إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc en cette soirée du samedi 24 26 Shawwal 1432 de l'Hégire, correspond avec le 24 septembre 2011, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes avec le troisième, Inch'Allah, ou plutôt le quatrième cours du fabuleux livre, il est Fawaid, qu'il y a dans Boulour al-Maram, explication de l'éminent savant Cheikh Ibn Outaymiyyah rahimahullah. Aujourd'hui, on va citer aussi quelques Fawaid, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on passera au troisième tome bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je dis en arabe, page 422. Page 422, numéro 2, page 422. Et aussi, page 435. 434, 435 et page 422. Le Cheikh Rahimahullah dit, donc moi j'ai résumé, j'ai dit, Yara Sheikhou, l'ikhtisar fi salati ala al-khusufi wal-kusufi duna al-zalazili wal-fayadanati wa ghayriha, l'anna adihi al-umura wujidat fi adihi alayhi salatu salam wa lam yusalli, wa aydan l'annaha laysat amma بل تختص ببعض المناطق دون غيرها. Donc j'ai dit, yara al-sheikh. Donc d'après le sheikh, rahimahullah, yara al-ikhtisara fi salat ala al-khusuf al-khusuf. Vous savez qu'il y a une salat qui s'appelle al-khusuf. Hein? C'est celle qui a rapport avec la lune. Et il y a al-khusuf, celle qui a rapport avec l'éclipse du soleil. Et l'autre, l'éclipse lunaire. Vous savez que quand il y a une éclipse, il y a une salat. Il y a une salat. Et certains, comme Cheikh Ibn Outaymiyyah rahimahullah, disent c'est une salat obligatoire. Obligatoire de groupe, pas de personne. Al-Muhim. Maintenant, les savants ont divergé. Est-ce que on fait cette salat? On fait cette salat, qui est une longue salat. D'autres signes d'Allah Azzawajal, des signes, comme l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Par exemple, s'il y a, par exemple, comme on appelle tsunami, un tsunami, ou bien il y a, par exemple, un grand tremblement de terre, ou bien il y a des choses comme ça. Fayadanat, Fayadanat, c'est l'eau, des inondations, par exemple, une grande inondation. Est-ce qu'on va faire salat, une salat spécialement, pour que Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de nous ce malheur, ou bien c'est spécifique, cette salat est spécifique à l'éclipse. Le Cheikh Rahimahullah, d'après son avis, cette salat est spécifique à l'éclipse. C'est-à-dire, s'il y a des inondations, s'il y a des tremblements de terre, s'il y a, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, les étoiles qui tombent, il n'y a pas de salat. C'est comme ça que dit Cheikh Ali Rahmatullah, et il a cité pour deux raisons. Premièrement, il a dit, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en son époque, il y avait ces choses-là, il n'a pas fait la salat. En son époque, il y avait les tremblements de terre, il y avait les inondations, et il n'a jamais dit, venez, on va faire salat. Comme il a dit, venez, on va faire salat lorsqu'il y a eu l'éclipse. Ça, c'est le premier délil. Le deuxième délil, il a dit, لِأَنَّا لَيْسَتْ عَمَّا بل تختص ببعض المناطق دون غيرها. Il a dit le deuxième délit, c'est que ces choses-là qui arrivent, par exemple un tremblement de terre, ou bien une inondation, il a dit, ce n'est pas quelque chose de général. C'est quelque chose qui arrive dans certains endroits, sans d'autres, sans d'autres. Ça arrive en Algérie, pas au Maroc, pas en France. Il a dit, donc, la salat, normalement, pour yani, éloigner les catastrophes qui, eux, ils appellent naturelles, comme tsunami, etc. Et nous, qu'on appelle divines, il a dit, il faut que ça soit général. Il faut que ça soit général, que ça arrive yani, à tout le monde, pas seulement à une contrée ou à un pays ou à une ville. Oui. À la page 423, j'ai cité que le cheikh était moutaradib, hésitant. Puis Salat al-Kousouf, en ce qui concerne Salat al-Kousouf, Beina Kouniha, Fardaïn ou Kifaya, le cheikh est hésitant entre dire que la salat de l'éclipse, est-ce que c'est une salat obligatoire de groupe ou bien obligatoire de personne, c'est-à-dire chaque personne doit la faire. Dans la page 423, le cheikh Rahimallah a dit, إذا انتهت صلاة الكسوف ولم تنجلي لا يعيد الصلاة ولكن يصلي التطوع المعهود. La d'ici jamais maintenant. Non. La salle de l'éclipse, non, c'est terminé. Et, yani, ولم تنجلي, et maintenant, cette éclipse ne vient de se dissiper qu'après la salat. Plutôt, elle ne s'est pas encore dissipée. On a fait la salat qui est longue, qui est vraiment yani, longue. On a terminé et maintenant il y a toujours l'éclipse. Est-ce qu'on doit refaire la salat de l'éclipse ou on ne fait pas? Il a dit, La yu'id salat, walakin yusalli tatawwu'. Il a dit, il ne refait pas la salat de l'éclipse. Mais il fait salat nafila. Il fait salat nafila. Salat tatawwu'. Naam. Oui. Il a dit dans la page 429, vous savez que la salat de l'éclipse, vous savez que ça a deux recours. C'est pas seulement un recours. Hein? On dit longuement, ensuite on fait le recours. On se lève. On reste assez longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un deuxième rukwa. Allahu Akbar. Ensuite, on se rallie et on descend directement. Donc, on fait deux rukwa. Le cheikh Allah dit que il a dit si quelqu'un arrive en retard et il trouve qu'ils l'ont dépassé dans le premier rukwa, il a attrapé le deuxième rukwa. Il a dit, cette raka'a ne compte plus. Non, cette raka'a ne compte plus. Il doit la refaire, cette raka'a. Il doit la refaire en faisant deux rukou'a aussi. Yaqdiha bi rukou'ayn. Non. C'est page 426. Toujours dans la page 426, le cheikh Ahmallah a dit, le khousouf, l'éclipse, non, qui a eu lieu au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le jour où Ibrahim alayhi salam est mort. Fi Shawwal, dans le mois de Shawwal. Fi Sana al-Ashira. Allah, yani l'année 10 de l'Hégire. Non. Yom al-Thulatha, un mardi. Dohan, le matin vers 9h-10h. Non. C'est à ce moment-là qu'a eu l'éclipse, yani lunaire. C'est pour ça que maintenant je reviens un peu marche arrière. Pour dire que quand j'ai commencé la première faïda, j'ai dit que le cheikh voyait que l'éclipse, yani, lunaire ou bien solaire, yani, ça ne se fait pas pour les tremblements de terre, etc. Ensuite, le cheikh dit, Rahimahullah, Al-Qiyam, alladhi ba'da ar-ruku' al-thani, laysa fihi qira'a. Naam. Page 429. Donc, il a dit, quand on se relève dans la salat, on se relève pour faire le deuxième ruku'a. Attention, pas la deuxième raka'a. Pas raka'a, ruku'a. Non, c'est pas on s'incline pour descendre, pour se prosterner. Non, c'est, yani on est incliné maintenant, on peut dire si on dit Sami Allah limin hamida. Normalement, dans une salat normale, qu'est-ce qu'on fait après avoir dit Sami Allah limin hamida? On descend pour se prosterner. Mais dans la salat de l'éclipse, non. Tu refais encore, tu t'inclines une deuxième fois. Tu dis Allahu Akbar et tu te réinclines. Subhan biladi wa bihamdi, Subhan biladi wa bihamdi. Ensuite, Sami Allah limin hamida. Ensuite, on descend. Le cheikh dit, rahimallah, quand on se lève, on se relève, yani, du deuxième rukou, on dit Sami Allah ou limin hamida, on se relève, il dit, il n'y a pas de récitation. Non, on dit seulement Sami Allah ou limin hamida et on descend. Voyez. Le cheikh dit, page 431, il dit, Yajouzou il a cité rukouat. Fi kulli raka'a بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع اختيار الشيخ الاقتصار على المرفوع. Le cheikh dit, si quelqu'un va faire jusqu'à 6 recours, 6 recours dans la première raka, 6 recours, Allah l'adim, il a dit, c'est permis car les sahaba ont fait ça. Il a dit, mais je préfère, yani, on se limite à ce qui a été yani, rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a fait que 2 rukous. Il a dit, mais si on fait jusqu'à 6, il a dit, c'est permis. Il a dit, car les sahaba l'ont fait. Comment 6 rukous? Bon, Allah Akbar, je commence la salat. Salat de l'éclipse. Allah Akbar et du'a al-istiftah et je lis Fatiha. Ensuite, je lis par exemple Baqara. Ou bien, plus de Baqara. Car il faut lire longtemps. Longuement. Ensuite, je dis Allahu Akbar. Subhan Rabbil Azim wa bihamdi Subhan Rabbil Azim. Ensuite, je me relève. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Si je veux, hamdan katheeran tayyiban mubarakan fih. Ensuite, si je me réincline une deuxième fois, si je me relève, je me réincline une troisième fois, je me relève, une quatrième fois, je me relève, une cinquième fois, je me relève, une sixième fois, je me relève, ensuite, je descends directement, je me prosterne. Il a dit, même si on fait jusqu'à 6, il a dit, les sahaba radiallahu ta'ala anhum ont fait cette chose. Ça. Maintenant, à la page 400, à la page 242. 242, une seconde. Non, à la page 242. Page 242. Le cheikh rahimallah a dit, certains vont dire, Allah, pourquoi on était à la page 431, maintenant on est monté à la page 242. Non, des fois, quand je suis en train de lire, par exemple, j'étais à la page 242, je devais noter une chose. Et j'ai dit, Allah, je vais noter. Je mets une petite feuille à l'intérieur. Ensuite, je dépasse. Quand j'arrive à la page 431 ou là, par exemple, avant de fermer le livre, je me souviens, je dis, il y a quelque part une faïda que je n'ai pas notée. Je cherche, je trouve que c'est dans la page 242. Je l'écris donc après la page 431. C'est clair, inshallah ta'ala. Taïb, lorsque le prophète, ici, qawluhu alayhi salam, lorsque le prophète alayhi salam a dit, ij'alu akhira salatikum billayli witra, faites de sorte que votre dernière salat la nuit soit witr. Faites de sorte que votre dernière salat la nuit soit 8. 8, ça veut dire soit pair. Afoun, impair. Impair. 1, 3, 5, 7, 9. Ça, impair. Le cheikh dit, yadullu ala anna l'insan ma'mour an yaj'ala akhira salatihi bil-layli witra. Il a dit, ceci prouve que le prieur doit faire de sorte que sa dernière salat soit impair. Naam. Lakin lam yaqul la tusallu ba'd al-witr. Le cheikh dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ne priez pas après le witr. Attention, il y a une différence. Faites de sorte que votre dernière salat soit le witr. Ne veut pas dire ne priez pas après le witr. Wa alayhi. Et par conséquent, falaw awtara al-insan yadhunnu annahu lam yaqum bil-layl. Il a dit, par conséquent, si jamais une personne fait salat l'huître, non, fait sa dernière salat l'huître, ensuite, elle n'a pas dans l'intention de se réveiller pour prier la nuit. N'a pas dans l'intention de se réveiller pour prier la nuit, mais a fait salat l'huître et a dit, je vais dormir, inshallah ta'ala, jusqu'à demain. Summa qam. Ensuite, cette personne s'est réveillée la nuit. Falahu an yusalliya ma sha'a. Cette personne, il lui est permise qu'elle prie tant comme elle veut. 2, 4, 6, 8. Non. Il a dit, comme a dit Ali Sallam, comme a dit Ali Sallam, Salatul Layli maintenant, maintenant. La prière de la nuit, c'est deux par deux. Deux, deux, deux, deux. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, من قال عليك أن تصلي ركعة لتشفع بها التي صليت قبل أن تنام فهذا قول ضعيف. Il a dit, mais par contre, la personne qui a dit que si jamais une personne a fait salat l'huître, ensuite s'est endormie, ensuite s'est relevée et a dit, maintenant je veux prier, comment je fais? Le prophète a dit, faites, alayhi salatu wassalam, faites de sorte que votre dernière prière soit le huître. Et maintenant moi j'ai fait le huître et je veux prier, comment je fais? Certains ont dit, il refait une autre raka, une autre huître, comme ça, qu'est-ce que ça se passe? Cette huître, la dernière, ajoutée à celle avant de dormir, ça fait deux, donc il a cassé son huître et il peut yani, commencer à prier de nouveau la nuit. Et le cheikh dit, rahimallah, ça c'est va'if, ça c'est faible. Moi je dis, pourquoi c'est faible? Car il n'a pas cité le cheikh, mais il y a un hadith authentique qui dit, la witrana fi layla. Il a dit, il n'y a pas deux huîtres dans une nuit. Et toi, dans la même nuit, tu as fait deux huîtres. Tu as fait un avant de dormir et tu as fait l'autre, le deuxième quand tu t'es réveillé. Tu as dit, je vais casser le premier huître, donc je vais faire un deuxième. Ça soit deux, ça devient deux, ce n'est plus un huître. Il a dit, ça c'est faible, c'est faible. Ensuite, le cheikh n'a pas cité ici, mais je crois ailleurs, un autre délit, c'est quoi? Qu'on peut yani, prier après le huître. Yani, que ce n'est pas vraiment interdit. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait salat l'huître, qu'est-ce qu'il faisait? Beaucoup de fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait deux autres rak'at assis, sans se relever. Assis, il lisait dans la première, il a zulzilatil ardo zilzalaha, et dans la deuxième, qul ya ayyuhal kafirun. Hadith, vous le trouvez dans Sifat Salat al-Nabi de Sheikh al-Albani, rahimahullah, authentique. Il a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été authentifié de lui, qu'il a fait une prière, ou là, certaines prières après l'huître, ici deux rak'at assis, donc si c'est permis deux, pourquoi c'est pas permis quatre? Donc c'est une preuve que on peut faire la prière après le huître. Non. Donc d'après lui, Allah Ta'ala alam, d'après lui, quand le prophète sallam a dit, faites de votre dernière prière le huître, il n'a pas voulu dire d'après lui, ne priez pas. Mais il a dit, attention, faites de sorte que, yani, n'oubliez pas le huître. N'oubliez pas de le faire avant de dormir. C'est ce qu'il a voulu dire, alayhi salatu wassalam, d'après le cheikh. Wallahu subhanahu wa azza wa jalla, a'la wa a'lam. Naam. Attendez, on va ajouter quelque chose. Page 450. Page 450. Al-khutbatu tekounu fi salat al-istisqa. Al-khutba. Yani le prêche qu'il y a sur le mimbar, le khutba, comme le khutba, le prêche du vendredi. Il a dit ici, mais il parle de quoi? Le khutba, ici, en ce qui concerne istisqa. Istisqa, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse tomber la pluie. Non. C'est la sunna de faire une prière pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie. Mais avant cette prière, il y a une khutba, il y a un prêche. Est-ce que ce prêche, il se fait avant la salat ou bien après la salat? Prenons l'exemple de salat l'Aïd. Salat l'Aïd. Par quoi on commence? On commence par la salat. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait le prêche. C'est pas permis de commencer par le prêche et de passer à la salat comme faisait Marwan. Marwan, radiallahu ta'ala anhu. Mais on doit commencer d'abord par la salat. Et quand on a dit à Marwan, Anas lui a dit, Khalif ta sunnah. C'est pas comme ça que faisait le prophète Hassan. Il commençait par la salat, ensuite le prêche. Qu'a dit Marwan, il a dit, maintenant les gens ne veulent pas rester pour nous écouter. Là, si je fais la salat, hop, tout le monde va partir chez lui. Car le prêche n'est pas obligatoire de salat l'Aïd. Alors, moi, je commence par le prêche, ensuite quoi? Ensuite, je fais la khutbah pour bloquer les gens, comme ça, ils seront obligés d'écouter la khutbah. Subhanallah, Cheikh l'Islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, répond à cette ambiguïté. Il dit, ça, ce qu'a fait ici Marwan, yani, c'est une deuxième, yani, c'est une excuse qui n'est pas valable. Il a dit pourquoi? Il a dit, car la solution serait quoi? La solution serait que Marwan revienne à la sunna. Il revienne sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment qu'il faisait? Il faisait le prêche après. Donc, toi, fais le prêche après et que les gens restent ou restent pas, il a dit, c'est pas ton affaire. L'essentiel, tu as suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour Salat l'Aïd, le prêche c'est quand? C'est après la salat. Maintenant pour la salat de la pluie, le prêche c'est quand? Cheikh Ibn Outhaymine dit, il y a des délils authentiques que c'est avant le Wesmo, avant la salat, et il y a des délils authentiques que c'est après la salat. Donc pour le prêche de la salat de la pluie, on est libre. L'imam est libre, c'est lui qui voit. S'il y a beaucoup de gens qui sont groupés, il commence par le prêche, ensuite la salat. S'il n'y a pas de gens, il a commencé par la salade, alors le prêche après. Non. Quant à salat khusuf, quant à salat de l'éclipse solaire, c'est quand est-ce que le prêche c'est après. Le prêche c'est après, ce n'est pas avant. Non. Ça y est. Maintenant, à la page. C'est dommage, je n'ai pas cité ici. Il y a quelque chose de. Une faïda qui est bien, mais j'ai oublié de citer la page. J'ai oublié de citer la page. Maadish. Maadish, pourquoi? Je vais vous la citer sans la page. Mais elle va revenir dans le tome 3. Elle va revenir aussi dans le tome 3, bi'idhnillahi ta'ala. Que dit le cheikh? Il a dit: Wa in kana al-kuffaru mukhatabayn bil furu'. Il a dit, même si les kuffars, naam, ont la responsabilité de faire yani, tout ce que un musulman doit faire. Pas seulement de rentrer en islam, mais même les. Attendez, comment on dit ça? Le furu', yani, toutes les ramifications qu'il y a dans la charia. C'est-à-dire, ils doivent prier, ils doivent jeûner, ils doivent ne pas s'habiller yani, long. Au-dessus des chevilles pour les hommes, ils doivent pas mettre l'or pour les hommes, et les femmes doivent se voiler. Moi, il a dit exactement comme les musulmans. Donc il a dit, même si les koufars, ils doivent yani, suivre et sont responsables de tous les rameaux, et toutes les ramifications, toutes les branches de la charia, il a dit, فَلَا يُشْرَعْ نَهْيُ الْكُفَّارِ عَنِ الْأَكْلِ فِي أَنِيَةِ الْفِضْلَ مَثَلًا. Il a dit, malgré cela, donc si je vois maintenant un kafir par exemple, manger ou la boire dans un verre en argent. Là, je vais lui dire, écoute, c'est interdit, il faut que tu boives dans un verre qui ne soit ni en argent ni en or. Il a dit, ça c'est? Il a dit, non, on ne fait pas ça. Et dans le troisième tome, il a cité le cas de la cigarette. Il a dit, maintenant, si je vois un kafir en train de fumer, est-ce que je lui dis, c'est interdit, il ne faut pas que tu fumes? Il a dit, non. Pourquoi? Il a dit, car le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'ad, il l'a envoyé au Shem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَبْدَأُهُمْ بِهِ, que la première des choses avec laquelle tu vas commencer dans la da'wah, quand tu vas chez les kuffars, شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا. Tu commences par leur dire qu'ils attestent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, فَإِنْهُمْ قَبِلُوا, si maintenant ils acceptent ça de toi, tu leur dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés de faire 5 salats. S'ils acceptent, tu passes au siyam et comme ça. Donc le kafir, naam, ce serait, yani, attendez, je cherche le mot, ce serait, yani, bon, j'ai pas trouvé le mot, yani, ça marche pas. Ça marche pas qu'on commence par lui dire faut pas fumer, il faut pas boire l'alcool, il faut pas mettre l'or, il faut pas ceci. Non. Mais plutôt on commence par lui dire quoi? Par lui dire d'abord qu'il faut rentrer en islam, bi'idhnillahi ta'ala. S'il rentre en islam, on va passer aux autres choses بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم voilà, ici c'est le Adhan inshallah ta'ala. Je vous laisse بإذن الله تعالى. On se rencontre dans une demi-heure. سبحانك اللهم وبحمدك تشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nous sommes prêts, Inch'Allah. Juste une chose que je n'ai pas eu le temps de faire, c'est de trier les questions, parce que ce soir, il y en a énormément. Il y a énormément de questions et j'ai pas pu les classer pour l'instant. Tfadal cher. On va commencer par la personne. Et avant cela, avant que je n'oublie, je rappelle, Inch'Allah ta'ala, ceux qui posent des questions aux frères et sœurs, quand ils terminent leur question, ils mettent un F ou bien un S pour savoir si c'est un frère qui a posé la question ou bien une sœur. Car des fois, la question peut changer et ça me facilite pour savoir si je suis en train de parler avec une sœur ou bien un frère. Vous comprenez? Pour le divorce, etc. Le moyen. Quand vous terminez la question, bien quand vous commencez. S, deux points, F, deux points, ça veut dire c'est une soeur ou un frère. Autre chose. Non. Parfois passé, on m'avait demandé sur une question sur le prénom Maysara. Maysara. Et j'ai cherché, et je vais vous donner, Inch'Allah Ta'ala, une réponse, Allah Ta'ala. Une seconde, je vais faire un copier-coller. Bi'idhnillah Ta'ala, une seconde. Ça y est. Donc vous me dites d'abord si c'est apparu, si le texte est apparu. Si le texte est apparu en arabe, d'abord. Alhamdulillah. Autre chose. Attendez, je donne un conseil à tous ceux qui assistent, toutes et tous ceux et toutes celles qui assistent au cours avec nous, de faire le possible d'avoir l'arabe sur l'ordinateur. Des fois, moi ou bien les admins ou bien on met des versets, on met des hadiths, on met des choses que je veux expliquer. Donc, si vous n'avez pas l'arabe, vous allez voir, à la place des mots, vous allez voir comme des carreaux comme ça. Des signes bizarres. Non. Donc, et c'est facile de faire l'arabe. Celui qui ne connaît pas, il demande, c'est très facile. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, même pour celui qui est débutant, il commence à apprendre l'arabe chaque fois en lisant avec nous, etc. Donc, j'ai trouvé pour la recherche de Maysara, est-ce que c'est un prénom d'homme ou bien de femme ou bien mixte. J'ai trouvé que c'est un prénom mixte, mais que la plupart des prénoms, Maysara, la plupart du temps, il vient pour les hommes. C'est très très rare qu'il vienne pour une femme. C'est pour ça que j'ai cherché dans peut-être une Maktaba Shamila qui comprend, je ne sais pas, 2000 ou 3000 livres. Je n'ai trouvé qu'une seule fois, ici comme dans ce hadith, dans la chaîne de transmission, qu'il y a une femme qui s'appelle Maysara. Il a dit, حدثنا الحسن بن علي بن أحمد الريدي, حدثنا ذكوان بن محمد الجرشي, حدثنا محمد بن خالد العطار, حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبل, حدثنا إلى سيدي ميسرة, حدثتنا ميسرة بنت حبشي الطائية في سيلو تيموا, حدثتنا ميسرة بنت حبشي الطائية. Sinon, à chaque fois, ça vient avec quoi? Avec يعني ميسرة قم إتوا النوم والله سبحانه وتعالى أعلم. Donc je vous donne inshallah ta'ala le micro pour commencer la première question et le temps que vienne Riyad inshallah ta'ala quand il est là vous me le direz بإذن الله تعالى. تفضل. نعم cher, donc c'est bon, alhamdoulilah, j'ai pu les classer les questions. Donc je vais commencer par les questions en rapport avec le cours de ce soir. Salam alaykoum cher Hana, jazakoum Allah khayran pour vos cours si instructifs et pour la science dont vous faites preuve à notre égard. Pour la salat et la khutba de la pluie, j'ai entendu deux choses opposées, à savoir, Cheikh Ibn Uthaymin rapporte des preuves authentiques démontrant qu'il faut faire le dars avant la salat et tout de suite après, j'ai entendu le dars se fait après. Je ne sais donc pas quelle information prendre, la khutba avant ou après la salat. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Une petite et une toute petite demande en plus, sur quel livre se basent les cours de fiqh enregistrés, à savoir du chapitre de la purification au chapitre de la salate et quel est l'auteur, min fadlikoum, car je les ai repris, mais je n'ai jamais réussi à entendre quel livre vous traduisez. Jazakumullah khairan. Question suivante. Salam alaikum. Comment fait-on la salate al-Maghrib al-Aisha dans les pays nordiques? En parenthèse, région du Cap Nord, Norvège, Islande. Lors des heures d'été, qui ont lieu de mars à septembre, où il y a un phénomène de soleil qui ne se couche pas, et le phénomène de nuit blanche, au point qu'on peut lire un livre sans allumer la lumière. Qu'en disent les chouyours sur ce sujet? Barakallahu fikoum. Nam, d'ailleurs, cher, dans la même question, Inch'Allah, si vous pouvez rajouter le jeûne, comment les personnes jeûnent dans ces régions du monde. Question suivante. Salam alaikum. Vous avez parlé de la salat assise, faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le witr. Pourrait-on avoir des précisions sur cette salat, comme la position exacte des jambes, et s'il y a une raison pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la fasse assise, s'il était malade par exemple? Barakallahu fikoum, cher. Donc les questions d'ordre général. Salam alaikum. Est-il déconseillé de verser sa zakat el-mal à quelqu'un de sa famille? Ou au contraire, cela est bien. J'aimerais verser ma zakat à ma cousine de 6 ans qui est orpheline. Jazakumullah khairan. Question suivante. Salam alaikum. J'aimerais savoir si on peut lire le Coran en robe de nuit. Car des fois, je me mets au lit et j'ai envie de lire un peu de Coran, mais le fait d'avoir à mettre mon hijab dans mon lit me dissuade de lire. Pourriez-vous me dire si c'est autorisé à la femme de lire le Coran dans n'importe quelle tenue, par exemple en pyjama des fois, je lis le Coran les bras dénudés avec un pantacourt, je suis en général couverte par ma couverture. Je ne sais pas si j'ai le droit ou pas, barakallahu fikoum, qu'Allah vous ajoute de la science et vous fasse mourir en pleine soumission. Tfadal cher. Écoute, pour la première question, elle comportait en sens, elle comportait deux parties. La première partie, c'est quand la khutbah, mais la deuxième partie, je n'ai pas bien noté. Quand la personne a dit yani, quels sont les livres ou les cours ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux répéter la deuxième partie, Barclay? Non, cher. En fait, ce n'est pas vraiment deux questions. Pour pas que les gens pensent que j'étais injuste, ils vont dire j'ai posé deux questions pour cette personne. En fait, ce n'est pas une question, c'est juste une précision sur des cours. Sur des cours, je reviens dessus, Inch'Allah. Sur quel livre se basent les cours de fiqh enregistrés, à savoir du chapitre de la purification au chapitre de la salate? Et quel est l'auteur, min fadlikoum? Car je les ai repris, mais je n'ai jamais réussi à entendre quel livre vous traduisez. Tfadal. Donc, si je comprends bien, la personne parle du site, n'est-ce pas? Naam, cher. Elle parle des cours sur le site. Bismillahirrahmanirrahim. Les cours que j'ai faits, en commençant par la purification en monte, à part quand j'ai fait des cours spécialement sur la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les cours que j'ai fait spécialement sur la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du livre de Cheikh Al-Albani. Yani, Sifat Salat Nabi. Description de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à sa fin. Taïb. Quand j'ai commencé par le wudu, comment on fait taïmoum, comment on fait ghusl, janaba, etc., tout ça. Je me basais sur un livre qui s'appelle Al-Mawsu'a ou Al-Mawsu'a al-Fiqhiyya. Attendez, je vais vous lire exactement son prénom s'il y a le mot Taysir ou il n'y a pas une seconde. Donc, là, il s'appelle Al-Fiqhiyya, Al-Mawsu'a, Al-Fiqhiyya, Al-Muyassara. Ils ont du savant qui en même temps. Et en même temps, un très très proche élève de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui s'appelle l'Aweija. L'Aweija. Donc, le Mawsu'a al-Fiqhiyya, le Muyassara, pour ceux qui ont ce livre. C'est un livre, pour ceux qui ont l'arabe, très important. Très, très important pour celui qui a l'arabe d'avoir ce livre qui comporte, jusqu'à présent, il comporte 7 tomes. Mais je crois que maintenant, il y a de nouveaux tomes, un ou deux que je n'ai pas encore acheté. Mais un livre, yani, mashallah, il n'y a pas, il ne cite pas une chose dans le wudu, là, dans la zakat, ou là, dans tout ce que vous voulez, sans qu'il dise, j'ai demandé à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, yani, je lui ai posé cette question, il a répondu ainsi. Or, ces choses-là, c'est lui spécialement qui les a demandées à Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire pas une autre personne. Donc, celui, yani, connaît la réponse à ces questions-là. C'était des choses, des questions entre lui et Cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est pour ça que yani, ce livre contient beaucoup de fawaïd. Ensuite, ce livre a une particularité de ne citer que les hadiths authentiques bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est premièrement. Deuxièmement, la personne a dit que, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans certains livres, dit que la khutbah de la salat de la pluie se fait avant la salat. Et dans d'autres, dit qu'elle se faisait après la salat. Maintenant, la personne ne sait plus quel avis prendre. Je dis, Alhamdulillah, et si la personne était présente avec nous au début du cours, peut-être qu'elle n'a pas bien entendu ou bien n'était pas présente, j'ai dit que le Cheikh Rahimahullah, dans la page 446 du tome numéro 2 de Bulugh al-Maram, Cheikh Bulugh al-Maram, page 446, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, au fil istisqa, et dans la salade de la pluie, nam, le khutbatu, le prêche, yajuzu, taqdimuha ou ta'khiruha, il est permis de faire la khutba avant la salade ou après la salade. Donc c'est très clair. Donc Cheikh Al-Albani, ce que tu as dit toi, mon frère ou la ma soeur, tu t'es pas trompé. Dans certains livres, il a dit avant, dans d'autres, il a dit après. Et maintenant, dans le livre que j'ai ici, il a joué entre les deux avis. Il a dit, yani, qu'on fasse la khutbah avant la salat ou après la salat, c'est permis. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse, c'est page 4, 446, tome numéro 2. Oui. Ensuite, pour la deuxième question, inshallah ta'ala. Le Maghreb, dans les pays tropicaux ou bien dans les pays où il y a 6 mois de soleil, 6 mois de jour, 6 mois de nuit, etc. Et la même chose pour la salade. Comment qu'on fait? La même chose pour le siyam. Comment qu'on fait? Les savants ont dit, on va se baser sur la salade et le siyam, hein, sur les horaires, disons, du pays musulman le plus proche de nous. Vous avez compris? Je suis au pôle nord à l'Alaska, je vais voir dans la carte, là, sur Google Earth, là, je vais voir quel est le pays musulman le plus proche. Si c'est l'Arabie Saoudite, si c'est l'Algérie, si c'est l'Afghanistan, je ne sais pas quel pays. Ensuite, je vais me baser sur ses horaires à lui de prière et de jeûne. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a un hadith que vous connaissez tous, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé du Messie Dajjal, de l'Antichrist. Il a dit qu'il restera sur terre 40 jours. Un jour qui durera un mois. Ensuite, 40 jours, un jour. Reprenez-moi si je me trompe pas. Un jour, un mois. Ensuite, il a dit un jour, le deuxième jour. Non, un jour, une année. Un jour, une année. Ensuite, un jour, un mois. Un jour, une semaine. Ensuite, il a dit tous les autres jours comme nos jours. Comme nos jours. Alors ils ont dit à Rasulallah, le jour-là qui sera d'une année, comment qu'on va faire pour faire la salat? Comment qu'on va faire? Une journée qui dure une année. Subhanallah, le soleil va se lever ce matin, il ne va pas se recoucher que dans une année. Pour qu'il arrive au milieu du ciel, 6 mois. Subhanallah, comment qu'on va faire pour la salat? Il a dit, faqdurulaha. Faqdurulaha, yani, faites-lui des calculs approximatifs. Faites-lui des calculs approximatifs. Par exemple, quand vous faisiez salat al-sobh, vous restez, par exemple, vous restiez, disons, de 5h du matin, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous restiez 8 heures pour faire salat al-dhuha. Alors maintenant, la même chose. Faites salat al-sobh Hein? Ensuite, restez 8 heures, faites salat al-dhuhr. Ensuite, restez par exemple 2 heures et demie, faites salat al-asr. Restez encore 2 heures, faites salat al-maghrib. Restez encore 1 heure et demie, faites salat al-isha. Ensuite, restez, comme par exemple de 22 heures jusqu'à 5 heures du matin, 7 heures, et faites salat al-sobh et continuez ainsi. Non. Oui. Pour la troisième question, bi-idhnillahi ta'ala, pour la salat assise du witr, celui qui veut avoir plus de précision sur cette salat que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le witr, pas tout le temps, de temps en temps, il la faisait dans une position assise. Il lisait dans la première rak'at, Ida zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Et dans la deuxième, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Pour avoir plus de précision dans cette salat, lisez Sifat Salat al-Nabi alayhi salatu salam, la description de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre Salat al-Witr. Et vous allez trouver cette chose là-bas authentifiée par Cheikh al-Albani rahimahullah. Il n'est pas cité dans ce livre ni dans d'autres comment exactement on prie quand on est assis. Mais d'après Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit quand on est assis, même quand on est assis, quand on s'assoit pour faire la prière, pour la position debout, c'est-à-dire je suis assis, mais je suis en train de lire. C'est comme si j'étais debout. Il a dit, quand on est en train de lire, on s'assoit. Hein? C'est très peu difficile de dire ça en français, mais peut-être vous allez me le dire, Inch'Allah ta'ala, comment on dit ça en français. Il a dit, on s'assoit, mutarabbi'an. Vous savez que ça veut dire mutarabbi'an? Mutarabbi'an, c'est à peu près, vous avez vu les gens, hein, ceux qui font par exemple le yoga. Ceux qui font le yoga, comment qu'ils s'assoient? Ils s'assoient les pieds là-dedans, cette jambe, presque, qui rentre dans l'autre. On est assis comme ça. Comment qu'on dit ça, Mutarabbi'an, en français? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? La position du tailleur, hein? Allahu alam. Non, je ne connais pas ça, donc c'est vous qui savez. On s'assoit, comme on s'assoit les gens qui font le yoga. Il a dit, c'est comme ça qu'on fait la prière assis, du moins quand on est en train de lire. Mais je voudrais vous rassurer, Inch'Allah ta'ala, qu'il n'y a pas quelque chose de spécifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de s'asseoir. Wa alaykoum salam. C'est pour ça que certains savants, et c'est l'avis, Inch'Allah ta'ala, le plus juste, disent que, wa alaykoum salam, wa barakatuh, disent que tu t'assois dans la position qui te convient le plus. Qui te convient le plus. Car des fois, la personne est malade, des fois elle est âgée, des fois elle a la grossesse, des fois elle a le pied qui lui fait mal. Donc elle s'assoit dans la position qui lui convient le mieux et fait la prière de Ibn Ibn subhanahu wa ta'ala. Là, ensuite la personne dit, pour quelle raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, il faisait ces deux rak'at assis. On va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait ces deux rak'at après la salat de la nuit. Après la salat de la nuit, donc, on est fatigué. On va terminer en faisant deux rak'at assis. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous, même si on n'est pas fatigué, et on veut faire deux rak'at après le 8, la sunna c'est de les faire en étant assis pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ekh Mohammed écrit en arabe pour le hadith de l'antéchrist. Donc, il a dit 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine et tous les autres jours comme les jours naturels. Quatrièmement, pour la personne qui a dit que elle voulait donner zakat al-mal, mais elle dit est-ce que c'est mieux de la donner à la famille ou bien de la donner à un étranger? La réponse, Inch'Allah ta'ala, si tu la donnes à la famille, tu as deux récompenses. Si tu la donnes à un étranger, tu as une seule récompense. Exactement comme ce qui s'est passé avec Zaynab, la femme du grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ou elle avait donné la zakat à sa famille, qu'Abdullah ibn Mas'ud a cru que ça ne se faisait pas, il est allé yani, se plaindre au prophète, al-islam, il lui a dit, yani, ou bien elle était avec lui, il lui a dit, hein, tu as, inshallah, deux récompenses. La première pour la zakat, la deuxième pour la famille. Hadith authentique. Enfin, pour le Coran, cinquième personne, pour le Coran, c'est permis de lire le Coran dans la robe de nuit, dans un pyjama, dans un pantacourt, dans un al-muhim. Al-muhim, ce n'est pas d'être yani, de ne pas le lire quand on est yani, dans un état vraiment où c'est l'intimité, vraiment intime. Mais une robe de chambre, un pyjama, un pantacourt, tout ça, yani, ce n'est pas des choses intimes. Ensuite, la femme est seule dans sa chambre et elle n'est pas, yani, elle est couverte. Il n'y a aucun mouchkil, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, même pour les bras. Les bras, yani, s'ils sont découverts, ses jambes jusqu'au genou, s'ils sont découverts, tout ça n'a rien à voir, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, ni on ne doit mettre un foulard comme croient certaines sœurs. Certaines sœurs croient que quand on lit le Coran, il faut avoir un foulard sur la tête. Non, tout cela, bi-idhnillah, yani, il n'y a aucun délit sur cette chose. Voilà, inshallah ta'ala, pour les 5 premières questions. Et twakkal, Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi les autres questions. Je vous donne la suite, Inch'Allah. Et je vous rappelle juste, cher, qu'on a débuté l'été pratiquement 10 h, Inch'Allah. On n'a pas noté l'heure. Donc je vous donne la suite des questions, Inch'Allah. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur veut jeûner le lundi et le jeudi. Quand elle demande l'autorisation à son mari ne lui donne pas de réponse. Et après, il lui dit, je ne sais pas. Alors, la sœur n'ayant pas eu de réponse négative, fait le jeûne et de temps à autre, son mari lui dit, de toute façon, tu jeûnes pour rien. Est-ce que la sœur a tort dans cette situation, sachant que son mari ne lui donne aucune réponse? Et elle a l'impression que son mari la décourage dans ses actions, car il fait cela aussi pour la prière surérogatoire en lui disant, tu pries pour rien. Allahoumustaan. Question suivante. Salam alaykoum, cher. Que penser d'une personne qui a un très bon comportement avec les autres, mais qui écoute des personnes de science dont les savants ont mis en garde, et qui fait même des éloges de ces personnes, alors qu'elle sait que des mises en garde ont été mises sur ces personnes, comme Mohamed Hassan, prétextant qu'elle prend ce qu'il y a de bien chez eux. Jazakumullah khairan. Question suivante. Salam alaikum. Est-il authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des tresses à ses cheveux? Si oui, comment étaient-elles? Leur nombre, une grande quantité ou juste quelques mèches. Barakallahu fikoum. Par ailleurs, Cheikh n'a pas fini la faïda de mercredi sur les quatre statuts de se mettre face à la Qibla. Il n'a cité que l'obligation et l'interdiction. Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Pourriez-vous m'expliquer? Allah a créé Adam à son image. Car j'ai pas bien compris, et depuis que j'ai entendu ce hadith, ça me dérange un peu. Et le shaytan me fait des waswas. Donc je veux être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que cela veut dire qu'Allah a créé Adam en lui attribuant des attributs que lui-même a, comme les yeux, le visage, les mains, les doigts, les tibias, entre parenthèses, tout en sachant que rien ne lui ressemble? Ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça? Pardonnez-moi si la question est mal placée, mais elle me tourne dans la tête beaucoup et me dérange. Non, mashallah, c'est une très bonne question. Question sur la aqidah, c'est jamais une mauvaise question. Question suivante, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. Cher, j'étais en train d'étudier le livre de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, question fréquemment posée par les femmes. Et dans le livre, j'ai trouvé, page 11 de ce livre, que si la femme avait une humidité permanente, il a dit qu'elle devra renouveler ses ablutions pour chaque prière, à l'entrée du temps assigné et pris ensuite. Et donc le problème dans tout cela, c'est que je suis aussi allé regarder sur le net et je suis allé voir les 60 interrogations sur les menstrues de Cheikh Al-Uthaymin, dont cette question qui est répondue différemment. Voilà sa réponse. Dans le cas où ces sécrétions seraient continues et permanentes, elles n'annulent pas les ablutions, entre parenthèses, mais la femme ne doit dans ce cas faire ses ablutions que lorsque le temps de la prière arrive. Et à ce moment, elle peut faire les prières obligatoires et surérogatoires, et peut aussi réciter le Coran ou faire tout ce qu'elle veut parmi les choses qui lui sont permises avec ses ablutions. Avec ces ablutions-là. Et le problème, c'est que maintenant, je ne sais pas quelle réponse est la bonne. Si vraiment la femme doit accomplir les ablutions à chaque prière, ou si elle fait les ablutions pour le dhuhr, par exemple, et qu'elle garde ses ablutions jusque par exemple, le maghrib. Elle n'est pas obligée de renouveler ses ablutions. Voilà ma question, Inch'Allah. Et une dernière chose, Inch'Allah, dans ce livre que j'ai cité tout à l'heure, cher, j'ai aussi vu que la femme devait se couvrir. J'ai aussi vu que la femme devait se couvrir les mains et les pieds pour accomplir la salat. Est-ce bien ça ou j'ai mal compris? Voilà, barakallahu fekoum. Et j'espère avoir été explicite dans ma question. Si ce n'est pas le cas, Muslim me recontactera pour donner plus d'explications. Inch'Allah, barakallahu fekoum. Tfadal, cher. Une seconde, car une personne a dit que j'avais oublié la faïda 3 et 4 du fait d'être en face de la Qibla. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié, peut-être c'était l'Aden, peut-être je croyais que j'avais tout dit. Allahu alam. Une seconde, je cherche les deux autres faïdas, une seconde. Pour la sœur qui jeûne le lundi et jeudi, sans avoir la permission claire, et explicite de son mari. C'est-à-dire, lui dit, je vais jeûner lundi ou lundi jeudi, il se tait. Dans ce cas, je lui conseille, Inch'Allah ta'ala, de ne pas jeûner tant qu'il n'est pas absent. Ou alors tant que ce n'est pas une obligation, tant que tu ne vas pas rattraper un jour obligatoire et que il ne reste pas beaucoup de jours pour que le Ramadan arrive. Non, dans ce cas, il vaut mieux ne pas jeûner. Surtout que on a comme un signe que le mari ne consent pas à ce jeûne. La preuve, quand tu jeûnes, il dit tu jeûnes pour rien. Donc, il n'est pas ravi de ce jeûne. Donc, il vaut mieux ne pas jeûner. Bidna. Quant à pour la salat. Quant à pour la salat nafila, quand il dit tu pries pour rien, là, il se mahdi, mais il s'est trompé. Pourquoi? Parce que la prière nafila, je ne suis pas obligé de demander à mon mari. C'est même pas obligé qu'il me sache ou qu'il me voit que je fais la nafila. Maintenant, s'il me dit tu fais pour rien ou là, alors qu'il dit ce qu'il veut. L'essentiel, si je l'ai fait pour Allah Azzawajal, il va me récompenser. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour terminer, je lui conseille. Si elle veut jeûner un lundi ou un jeudi ou là, d'essayer de le convaincre, bi-idhnillahi ta'ala, et de lui dire, de lui faire comprendre que lorsqu'il la laisse jeûner, que lui aussi, bi-idhnillahi ta'ala, il a des récompenses. Parce que c'est lui qui a consenti, elle a ainsi, poussé à ce qu'elle fasse, cette obéissance, bi-idhnillahi ta'ala. Pour la deuxième question. Pour la personne qui apparemment est bien, mais elle fait des éloges à des gens auxquels les savants ont fait ou bien des réfutations ou bien ont mis des mises en garde contre eux, comme le nommé Mohamed Hassan. Cette personne, Naam, qui lui fait des éloges, est une des deux personnes, ou bien elle-même, elle n'a pas encore compris le minhaj, ou bien c'est une nouvelle personne, nouvelle, elle vient juste débuter. Dans ce cas, elle est excusée, elle est nouvelle, elle ne sait pas bien, ne connaît pas le minhaj, elle ne connaît pas l'alliance et le désaveu, etc. Elle est nouvelle, elle est excusée. Mais si c'est une personne qui apparemment fait longtemps qu'elle est dans la da'wah, elle se dit salafi, etc., dans ce cas, elle fait une faute grave en faisant ainsi. Elle fait une faute grave en faisant ainsi. Les savants, les héritiers des messagers, font une mise en garde contre quelqu'un, je viens moi, ou bien je viens toi, ou tu viens toi, tu dis non, celui-là il est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les savants se sont trompés, ils n'ont pas de science. C'est moi qui connais mieux qu'eux. Même si tu ne le dis pas avec ta langue, tu l'as dit avec cette façon de te comporter. Ça veut dire, quand il est savant, il ne faut pas les écouter. Il faut m'écouter moi, l'âme, et c'est moi qui suis dans le vrai. Donc cette personne, l'âme, fait une grave erreur, et il faudrait, inshallah ta'ala, qu'elle revienne vers le minhaj, l'âme, elle est en train de suivre un minhaj qui n'est pas bon. Elle est en train de suivre un minhaj qui n'est pas bon, qui ne condamne pas les gens qui font la bid'a et les gens dans lesquels les savants ont fait des mises en garde. Naam, Mohamed Hassan, naam, il s'appelle Mohamed Hassan, naam, Mohamed Hassan, naam, a pris la fitna de ce qui s'est passé en Égypte. C'est toute une autre personne. C'est toute une autre personne, une nouvelle personne, naam, avec de nouveaux principes, un nouveau minhaj, minhaj ikhwan, minhaj tkfir, minhaj thawra, minhaj la guerre, contre le gouvernement, contre le gouverneur, contre naam. Peut-être pas au point de tekfir, j'ai dit tekfir, peut-être pas tekfir, mais ça ressemble au minhaj, de comme exactement font les tekfiris. Al-Muhim, pour la tresse des cheveux en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, le hadith ici dit Qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à la Mecque, wadahu, et il avait Arba ou Dafa'er. Et il avait quatre tresses sur ses cheveux. Quatre tresses sur ses cheveux. Le hadith est Sahih. Il se trouve dans Sahih Tirmidhi de Sheikh Al-Albani Rahimahullah. Laissez-moi vous dire le numéro. Numéro 1781. Numéro 1781 de Sahih Sunan Tirmidhi. 1781. Je vais l'écrire ici, Inch'Allah Ta'ala. 1781. Hadith authentique de non, Sahih Tirmidhi. Tayyib, hada, c'est pour les traces des cheveux du prophète Islam, mais il n'y a pas, c'était combien long ces tresses? C'était longue de combien? Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il y a encore? Naam, pour la Faïda 3 et 4, j'avais oublié la fois passée. J'avais dit que le fait de se mettre en face de la Qibla, avec quatre statuts. Le premier statut, c'est obligatoire de se mettre en face de la Qibla. C'est quand on fait la salat. Si quelqu'un connaît la Qibla, il ne veut pas se mettre en face de la Qibla pour la salat, sa salat est nulle. Sauf si c'est quoi? Sauf si c'est nafila sur la monture. Saha. Deuxième cas, deuxième statut, où c'est interdit de se mettre en face de la Qibla. C'est pour, quelqu'un qui voit la Qibla, et il va uriner en face de la Qibla ou bien déféquer. Et j'avais cité le hadith du sahabi qui a craché en face de la Qibla alors qu'il faisait la salat, il guidait les gens et que le prophète Aslam leur a interdit qu'il les guide de nouveau. Et il lui a dit, Naam, tu ne dois plus les guider, tu as quelqu'un qui a fait du tort à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. Le hadith authentique. Voyez. Maintenant, c'est là que je me suis arrêté. Maintenant, troisième statut. Premier statut, obligé de se mettre en face de la Qibla. Deuxième statut, interdit de se mettre en face de la Qibla. Troisième statut, c'est commandé de se mettre en face de la Qibla. C'est quand on fait les doigts. Quand quelqu'un fait les doigts, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, c'est recommandé de se mettre en face de la Qibla. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste recommandé. Quatrième statut, où c'est décommandé de se mettre en face de la Qibla. C'est décommandé. Quand est-ce, je vous pose la question, quand est-ce que c'est décommandé de se mettre en face de la Qibla? C'est lorsque l'imam est sur le minbar et il se retourne vers la Qibla pour faire la khutbah. Est-ce que c'est commandé? C'est recommandé? Non, c'est recommandé qu'ils se mettent en face des gens. Non. Donc maintenant, s'ils leur donnent de leur dos, ce n'est pas interdit. Et la khutbah est valide. L'essentiel, c'est ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a fait, il nous a donné son dos, c'est décommandé. Donc ça, là, vous le trouvez, Inch'Allah Ta'ala, vous trouvez page 405. Page 405. Tome numéro 2. Et il y a aussi un autre statut où c'est interdit, ou plutôt c'est pas interdit, c'est décommandé de donner, yani de se mettre en face de la Qibla, bah d'un salat, imam une salat. C'est lorsque le imam termine la salat. Vous savez, lorsque le imam termine la salat, naam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, yani, donner, disons, de son dos à la Qibla. Il va donner de son dos à la Qibla. Naam. Parce qu'il ne va pas rester en face de la Qibla, il a terminé la salat. Ça y est. On va passer, inchallah, à l'autre chose. Pour la cinquième question, la personne qui a dit, attendez une seconde avant cela, une seconde avant cela. Non. Pour la personne qui a parlé, la soeur qui a parlé d'humidité, etc., qui sait plus, yani, qu'est-ce qu'elle, de quel statut, de quel avis elle va prendre, elle a lu deux livres, je lui dis, je lui conseille de prendre de l'avis qu'il y a sur, yani, le livre qui s'appelle Les 60 questions sur les monstres. Les 60 interrogations sur les monstres. Ce que tu as lu, bi-idhnillah, sur ce livre, c'est de cette fatwa, naam, qu'on prend, bi-idhnillah ta'ala. Naam. Pour le fait de, est-ce qu'on se couvre les pieds dans la salat ou on ne se couvre pas, il y a une divergence entre les savants. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, est de l'avis qu'elle ne se couvre pas les pieds, quand je dis les pieds, elle est en bas, tout à fait en bas, les pieds, elle est ce qu'on fait rentrer dans les souliers, c'est ça les pieds. La cheville, on descend, ça, le pied, pas la jambe. Cheikh Ibn Uthaymeen est d'avis que une femme peut faire la prière même si ses pieds sont visibles. Il a dit à condition qu'il n'y ait pas d'homme, ou alors d'étranger dans la chambre où elle fait la salat. Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen al rahmatullah. Cheikh Al-Albani rahmatullah est d'avis qu'elle doit couvrir ses pieds. Qu'elle doit couvrir ses pieds dans la salat, même si elle est seule. Et il a cité un hadith authentique de Umm Salama radiallahu ta'ala anhu. Umm Salama, c'est qui? L'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si elle va dire quelque chose dans la salat des femmes, sûrement qu'elle est plus savante que nous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait la salat avec un dirham. Un dirham, c'est une abaya. Abaya, quelque chose qui se met sur les épaules et ça descend. Elle a dit, avec un khimar sur la tête et une abaya qui descend jusqu'à couvrir les pieds. Elle a dit comme ça, qui descend jusqu'à couvrir les pieds. Et c'est qui? C'est la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc peut-être que cet avis, inshallah ta'ala, est plus fort que l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, car il n'a pas cité de dalil. Wallahu azza wa jal a'lam. Maintenant, comme dit Cheikh Al-Albani, maintenant, quand par exemple, elle se prosterne, des fois, on peut voir ses pieds, des fois, mais ses pieds, c'est ce qu'il y a, yani, ce qui n'est pas de face, c'est ce qui est caché, ce qu'il y a, ce qui touche le sol quand elle marche, ce qui touche le sol. Il a dit ça, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que yani, la partie, disons, supérieure qui est cachée de son pied. Non, la partie supérieure. Et quant à la partie inférieure, yani, qui peut-être quand elle se prosterne en la voix, il a dit ça, c'est pas grave. Non. Oui. On va passer, inchallah ta'ala, aux autres questions. Les questions suivantes, Inch'Allah. Salam alaikum. En fait, cher, mon père a beaucoup de dettes et ma mère voudrait savoir si elle peut lui verser à lui la zakat. Et elle aimerait savoir si elle doit faire le hajj, car elle en a les moyens, ou elle doit en priorité donner l'argent à mon père pour ses dettes. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. J'ai entendu que l'on pouvait jeûner les jours à rattraper du ramadan et en même temps avoir l'intention de faire des jours surérogatoires. Est-ce vrai? Est-ce l'avis de la majorité des savants? Barakallahu fikoum. Donc, cher, là, il parle d'une double intention sur un même jour. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense en bien cher, est-il légiféré de payer ces contraventions ou est-ce interdit, sachant que si on ne paye pas la première fois, il y aura des intérêts qui vont s'ajouter à la contravention et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on paye la contravention. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cher. Lors d'une fête qu'on organise pour les enfants à l'occasion du Eid, est-il autorisé de maquiller les enfants sur leur visage? Dessiner un papillon, un clown ou autre forme. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khayran shaykhana. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Existe-t-il dans le Coran ou la Sunna des explications ou des preuves qui démontrent que les images et les sensations perçues par celui qui est dans le coma font partie de l'au-delà? Comme par exemple, certaines personnes et enfants disent voir des tunnels ou des palais, des ruisseaux, etc. et se sentir dans un état de paix. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khayran. Tfadal cher. Il y a trois choses ici à dire. La première, je n'ai pas bien entendu ni bien ni écrit la question de la contravention. La question sur la contravention. Et aussi la dernière. Cette dernière question, yani, c'est pas je n'ai pas noté, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Je n'ai pas compris. Ensuite, si j'oublie, rappelez-moi que je n'ai pas répondu à une question qui parlait de. Allah Ta'ala a créé Adam à son image. Non, cher, donc je commence sur la dernière question, Inch'Allah. Elle dit, est-ce qu'il y a des preuves dans le Coran et la Sunna qui démontrent que les images et les sensations perçues par celui qui est dans le coma, qu'une personne qui est dans le coma, font partie de l'au-delà? Comme par exemple, certaines personnes et enfants disent voir des tunnels ou des palais, des ruisseaux, etc. Donc elle parle, cher, des personnes qui se sont réveillées du coma. Ces personnes disent avoir perçu durant leur coma des certaines images, certaines sensations, et elle dit est-ce que ça fait partie de l'au-delà et est-ce qu'il y a des preuves dans le Coran de la Sunna. Et pour revenir donc sur la première question, non pas sur la première, sur la question des contraventions, est-il légiféré de payer des contraventions ou est-ce interdit? Sachant que ces contraventions, si on ne les paye pas une fois cher, ensuite on a un rappel avec une majoration. C'est-à-dire plus on ne paye pas, plus les rappels sont faits et plus c'est majoré. Donc après, ça arrive à une certaine somme qui est conséquente. Tfadal cher. Pour le hadith où il dit, le prophète alayhi salam, a dit que Allah Ta'ala a créé Adam à son image. Non, à son image. Est-ce que à son image revient vers Adam ou bien à son image revient vers Allah, l'image d'Allah? Ici, il y a une grande divergence entre les savants. Au point où il est presque arrivé qu'il y a eu une polémique entre le grand savant Twijri, rahimahullah, et le grand savant Cheikh Al-Albani, rahimahullah, que Allah Azzawajal, yani, les enveloppait dans sa miséricorde. Al-Muhim, ceux qui ont dit que ici, il parlait de l'image d'Allah. Allah Ta'ala a créé Adam à son image, à l'image d'Allah. C'est-à-dire, yani, vous savez que Allah Ta'ala est parfait. Et que Allah Ta'ala, Adam, c'est sa première créature parmi les gens. Les êtres humains, donc, c'est sûr que il l'a façonné d'une façon parfaite. Ceux-là ont cité un hadith, un autre hadith, où il est dit, pour eux, donc, c'est un délit clair, que l'image, c'est l'image d'Allah. Le hadith a dit, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala surat ar-Rahman. Allah Ta'ala a créé Adam à l'image du Rahman, le miséricordieux. Rahman, c'est Allah. Donc, ils ont dit, c'est clair, alhamdoulilah, que ce n'est pas, parlez pas d'image d'Adam, mais d'image d'Allah. Les autres, comme Cheikh Al-Albani, qui dit qu'il parlait de l'image d'Adam, on dit ce hadith est daïf. Ce hadith est daïf, donc vous pouvez yani, voir ça dans les livres de Cheikh Al-Albani, aussi dans Irwa Al-Ghalib. Il a dit c'est un hadith daïf, ce n'est pas une preuve. Et il a dit, la deuxième preuve, que Allah Ta'ala parlait de Adam et non pas de lui-même, il a dit en arabe, c'est ça la règle. En arabe, il a dit, si s'il y a un pronom, il a dit le pronom, il doit revenir toujours vers le nom le plus proche qui était avant lui. Ici, Inna Allah, Allah Ta'ala a créé, khalaqa, Adam, Adam, ala, a, son image, son image. Non, ici, son. Qu'est-ce qu'il y a avant lui? Il y a Adam. Allah Ta'ala a créé Adam à son image. Donc, son doit revenir à Adam. Il ne doit pas revenir à Allah à cause de cette règle en or, qui est en arabe, et qui dit que le pronom doit revenir vers le nom ou vers le substantif le plus proche. Et ne doit pas aller vers un loin. C'est par exemple, c'est comme je dis une seconde, sauf, ils ont dit, par exemple, sauf s'il y a une preuve, qui montre que ça ne peut pas marcher. Si on ne peut pas faire revenir, on ne peut pas annexer un pronom, au nom le plus proche, si on a une preuve qu'on ne peut pas, ça c'est permis. C'est comme lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran, الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Il a dit, ceux à qui on a donné le livre, ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Ceux à qui on a donné le livre, ils le connaissent. Le ici, le. Il parle de qui? Il parle du livre ou il parle du prophète alayhi. Si on applique la règle, le nom le plus proche ici, c'est quoi? C'est le livre. On a ceux à qui on a donné le livre, ils le connaissent. Donc le ici est très proche de livre. Donc ils le connaissent, ils connaissent le livre. Mais ici, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Car on a une preuve. Juste après, il a dit, ils le connaissent comme ils connaissent leur fils. Leur fils. On ne peut pas dire, moi je connais un livre comme je connais mon fils. Mais donc il parlait de Mohammed alayhi salam. Naam, ils connaissent Mohammed alayhi salatu salam comme ils connaissent leur fils et ils le renient. Donc ici on a une preuve. Donc vous avez compris la règle. Tant qu'il y a une preuve, naam, tant qu'il n'y a pas de preuve, le pronom toujours revient vers qui? Vers le nom le plus proche. Et Cheikh Al-Albani a donné enfin une troisième preuve très puissante. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regardez la fin du hadith. Allah Ta'ala khalaqa Adam ala surati, Allah Ta'ala a créé Adam à son image. Ensuite, directement, il a dit, Polo, sa taille, il a dit 30 mètres, 60 bras, 30 mètres. Donc, il parle de qui? Il parle d'Allah, il parle de Adam. Il parle de Adam. La preuve, il a dit, sa hauteur est de 30 mètres. Donc, il a dit, ceux qui disent qu'ici, il est en train de parler d'Allah, ils ont vraiment une hujja. Il y a une preuve qui est défaillante. Mais il a dit, le vrai, c'est que ça retourne vers Adam, alayhi salatu salam. Donc ça, c'est pour le hadith, insha'Allah ta'ala. Je conseille, Ah Muhammad, je vais donner un petit conseil, insha'Allah ta'ala. Et n'oublie pas de travailler, insha'Allah ta'ala, avec ce petit conseil. Quand tu nous écris comme ça en arabe, jazakallahu khayran barakallahu fik, na'am, jazakallahu khayran barakallahu. Essaye seulement de changer de couleur. Je vais te dire pourquoi. Écrit en noir ou là en rouge ou là. Cette couleur, subhanallah, pour moi, peut-être moi je suis aveugle, je suis myope, je ne sais pas quoi. Moi je ne vois pas bien les points. Je vois, quand je lis, je ne vois pas les points, ils ne sont pas clairs. Je ne sais pas si c'est à cause de mes yeux ou là à cause de la couleur. Mais ma fiche mouchkine. Écrit, inshallah, avec une autre couleur, en noir, en rouge. Je crois que les. Inshallah, maintenant, Er Mohamed. Ce que tu as écrit, par exemple, la dernière phrase d'ADR, essaye de la mettre en rouge ou là en noir pour voir si ça change, inshallah ta'ala. Essaye, inshallah ta'ala. Je t'attends, bi'idhnillah ta'ala. Tfadla. Voilà, ADR, c'est mieux. C'est mieux, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. C'est mieux. Jazakallahu khairan. Je crois que j'ai terminé. Non, je n'ai pas terminé avec des questions-réponses. Pour rattraper, on se concerne de rattraper, par exemple, des dettes en faisant en même temps, par exemple, j'ai un jour de dette. C'est un exemple, j'ai un jour de dette de Ramadan. Et je vais en même temps jeûner le jour de Arafat. Non, ou bien le jour de Ashura. Est-ce que j'ai deux récompenses ou j'ai une seule? Cheikh Ibn Uthaymeen rahmahullah a dit, on a deux récompenses. Il a dit, on a deux récompenses. La première, parce que j'ai dit, c'est ma dette. Et la deuxième, j'ai dit, je profite, puisque c'est Ashura, puisque c'est ceci, pour avoir, Inch'Allah ta'ala, deux récompenses. Mais, j'ouvre ici juste une parenthèse pour dire, cette chose s'applique à condition que ça soit pas, qu'on ne peut pas joindre entre yani, des dettes du Ramadan et les 6 jours de Shawwal. Non. Si c'est pour les 6 jours de Shawwal, tu peux pas. Il faut d'abord rattraper les dettes toutes seules, sans l'intention de Shawwal. Et ensuite, jeûner pour Shawwal. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque jeûne le Ramadan, ensuite le fait suivre de 6 jours de Shawwal. C'est comme s'il a jeûné toute l'année. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque jeûne le Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal. Mais toi ici, tu as commencé Shawwal alors que tu n'as pas jeûné le Ramadan. La preuve, tu as encore 6 ou 7 jours de dette. Donc tu ne peux pas jeûner les Shawwal. Le hadith a dit, quiconque a jeûné le Ramadan et l'a suivi de 6 jours de Shawwal. Toi, tu n'as pas jeûné le Ramadan. Dès tu n'as pas jeûné pendant une semaine à cause de ta maladie. Donc, il faut commencer par le Ramadan, ensuite Shawwal, bi'idhnillahi ta'ala. Pour la contravention, la personne n'a pas cité bi'idhnillahi ta'ala, c'était quoi sa contravention. Mais je me dis, si c'est par exemple une contravention, par exemple, que elle a brûlé ce qu'on appelle un feu rouge ou je ne sais pas ce qu'elle a fait, non, elle doit et année payer cette contravention. Pourquoi qu'elle ne la paye pas? Pour ne pas la laisser augmenter, devenir, je ne sais pas, 500 000 ou la femme, pour la payer tant que c'est une chose qui ne se contredit pas avec la charia. Ils ont dit c'est interdit de ne pas s'arrêter au feu rouge, tu t'es pas arrêté, tu fais une contravention, ou bien tu n'as pas l'essuie-glace, ou bien tu n'as pas ceci ou cela. Une contravention, tu la payes et Inch'Allah, tu n'as pas de mouchkila. Pour la troisième ou la quatrième question, non. Pour le clown sur le visage et les papillons, etc., pour les enfants, je veux dire deux choses, Inch'Allah ta'ala. La première, il est interdit de dessiner yani, des choses qui ont des âmes, que ce soit des papillons, que ce soit des clowns, que ce soit, c'est connu. Normalement, cette question, yani, sa réponse est claire. Ensuite, la deuxième transgression, la deuxième faute, c'est que c'est une chose, yani, presque, d'après moi, Wallahu a'lam, yani, c'est presque spécifique aux kofars. C'est presque yani, spécifique aux enfants des kofars. Yani on leur fait ces trucs-là, on leur fait yani des clones, on leur fait. Ensuite, on va quoi? On va les tatouer aussi. Ensuite, on va leur faire des tatouages, on va leur faire. Les musulmans, non. Ah, je laisse mon fils propre, bidnat Allah. Je lui apprends à ce qu'il se différencie des autres. Mon fils, toi, tu n'es pas comme les autres. Nous sommes des enfants des kuffars. Ils n'ont ni aqida, ni sharia, ni Allah, ni Rasoul, ni paradis, ni rien. Ils font n'importe quoi. Ils se tatouent, les hommes mettent des boucles d'oreilles. Al-Muhim. Je lui dis, mon fils, toi, Inch'Allah Ta'ala, hein, tu as quelqu'un qui s'appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu le suis, tu as des récompenses. Il n'a jamais fait ça, ni à lui, ni à son fils Ibrahim, ni les enfants des Sahaba n'ont fait cette chose. Wallah subhanahu wa ta'ala, alam. Non. Enfin, pour les gens qui tombent dans le coma, il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, que, yani, il voit des choses de l'au-delà, ensuite, il se réveille, etc. Ça, c'est impossible. L'au-delà, hein, on ne pense, ou là, on ne voit des choses de l'au-delà, que quand on quitte ce monde pour ne plus revenir. Mais être dans le coma, ensuite se réveiller et dire j'ai vu telle chose, ou là, ça, tout ça ne tient pas debout et n'a aucune preuve, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Akh Muhammad ici, il vient de citer un hadith, non, il a dit, le prophète a dit, toute personne qui rentre au paradis sera sur l'image de Adam, hauteur 30 mètres, 30 mètres, ensuite il a dit, عليه الصلاة والسلام، une chose importante qu'il a dit, فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَى الْآنِ. Il a dit, et depuis Adam alayhi salam, yani les gens ne cessent de quoi? D'être petits de taille. D'être petits de taille, il a dit, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai. Imaginez, Adam, il avait 30 mètres. Ensuite, les gens ont commencé à diminuer. 20 mètres, 15, 10, jusqu'à pas de nos jours. Yani, maximum, quelqu'un qui fait 2 mètres ou là 2 mètres 10 ou là, vraiment le grand maximum. Sinon, tous, 1m60, 1m70, 1m50, 1m80, 1m40, subhanallah l'adim. Et combien qu'il reste pour la fin du monde? Allahu alam. S'il reste par exemple 600 ans ou là, 6 millions d'années ou là, yani, jusqu'à ce que tout le monde yani, devienne comme des nains, de vrais nains. Parce que le hadith a dit que depuis Adam, les générations ne cessent de devenir petites de taille. Non, mais comme ça, jusqu'à yani ce que yani Allah subhanahu wa ta'ala mette fin à ce monde. Wallah azza wa jalla a'lam. Tafadhal lil akh karim. Salam alaykoum. Est-il autorisé de payer des impôts avec l'argent du riba? Question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullah. Avec mon compte bancaire. Juste pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah, le temps que tu dises, Inch'Allah ta'ala, Osmo, tu lises des questions, je vais demander à Akh Mohamed, Inch'Allah ta'ala, de faire une chose. Akh Mohamed, essaye de me préparer, bi'idhnillah ta'ala, si c'est possible, yani, puisque tu as enregistré le cours d'aujourd'hui, essaye de me préparer yani, la première, quand j'ai donné les fawaïd d'aujourd'hui, essaye de me préparer la première faïda quand j'ai parlé de Khoussouf et Koussouf. Et quand j'ai dit Khoussouf, c'est solaire et la khor c'est lunaire. C'est quand j'ai commencé, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala, Barakallahu fik. Muslim, répète, Inch'Allah Ta'ala, Tfadal. Attends une seconde. Whisper, vous avez oublié de répondre à la question sur les dettes du père. Naam, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes quête à son mari ou pas? Naam. Donc, le whisper muslim, le whisper m'a dit, vous avez oublié de répondre à la question sur les dettes du père. Je dis, une femme, en islam, ne travaille pas pour son mari, ne dépense pas pour son mari. Car Allah Ta'ala dit, rijal qawwamun 'ala an-nisa. Ce sont les hommes qui dépensent sur leur femme. C'est pour cela que c'est permis de donner la zakat à son mari s'il est pauvre. C'est permis à une femme de donner la zakat, zakat al-mal, à son mari s'il est pauvre. Ou par exemple, s'il a des dettes. Mais maintenant, il y a un conflit entre deux choses. Est-ce que elle va donner la zakat à son mari alors que ce n'est pas obligé qu'elle la lui donne? Non? Ou alors, est-ce qu'elle va au hajj si elle a les moyens? Qui est-ce qui est le plus prédominant, le plus obligatoire? Le plus obligatoire, c'est d'aller au hajj si elle a l'argent et elle a le mahram. Donc je dis à cette femme, si elle a l'argent et elle a le mahram, et que le hajj, là s'il est là, il est prêt, elle commence par le hajj, car ce n'est pas obligé pour elle, même qu'elle donne la zakat à qui? À son mari. Mais elle commence par le hajj bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a autre chose. Pourquoi elle dit ici, est-ce que je commence par le hajj ou là je commence par la zakat? Si c'est le moment de donner la zakat, elle doit la donner, même si elle ne va pas au hajj. Vous comprenez? Par exemple, c'est le moment de la zakat. Khlas. Son argent, ça fait un an qu'elle l'a et il a atteint le seuil. Maintenant, elle doit commencer par donner la zakat, même si yani, en donnant la zakat, ça va lui diminuer yani, de l'argent qu'elle avait pour aller au hajj, donc elle ne va pas aller au hajj. Non, même si c'est comme ça. Car si c'est le moment de la zakat, ça a dépassé une année, elle doit donner la zakat. Sans dire, si je donne la zakat, donc je ne vais pas au hajj, donc je ne vais pas me marier, donc je n'achète pas une voiture. Donc, tout ça, ça n'a rien à voir. Tu commences par la zakat si l'argent que tu as a dépassé le seuil et est resté chez toi plus d'une année. Et dans ce cas, il vaut mieux la donner à son mari, comme on a dit tout à l'heure, qu'il aura, inshallah ta'ala, deux récompenses, bi'idhnillah ta'ala. Atfadlal. Donc la suite des questions, Inch'Allah. Sachant, cher, que si là on continue sur les questions, je ne sais pas si le frère peut enregistrer en même temps. Je ne sais pas s'il peut enregistrer la suite des questions-réponses. Tfadal, cher. Alors arrêtons les questions-réponses. Ahmed Mohamed, est-ce que tu es prêt pour me faire. Non, pour me donner 2 minutes. 2 minutes. Alors, lis une ou deux questions. Moussim, est-ce que tu as entendu ma question ou pas? Non, cher. Je reviens dessus, Inch'Allah. Salam alaikum. Est-il autorisé de payer les impôts avec l'argent de riba? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Avec mon compte bancaire, j'avais des intérêts. Et quand je l'ai su, j'ai fermé ce compte, mais je ne sais pas quoi faire avec ces intérêts. Certains me disent il faut les donner à n'importe qui. D'autres me disent non, il faut brûler cet argent. Que dois-je faire? Qu'Allah vous accorde le paradis, et cher. Question suivante. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve et vous accorde le Firdaus. Si les gens de ma famille, qui sont koufars, ont en leur possession des photos de moi qui ont été prises avant ma conversion, dois-je faire mon possible pour les récupérer et les faire disparaître? Ou y a-t-il un jugement particulier du fait qu'elles auraient été faites avant ma conversion? Jazakumullah khairan. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce une obligation de répondre au téléphone ou d'ouvrir la porte lorsque quelqu'un nous appelle ou frappe à la porte? Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ah, donc je vais arrêter de lire puisque le cher apparemment a été déconnecté. Avant cela, je fais juste une petite remarque. Une petite remarque, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa toubou lih. Naam. Yani, ces temps-ci, il y a certaines. Yani, certaines. Comment ça s'appelle ça? C'est un salon yani, qui en fait réapparition. Salon de takfir, salon de djihad, salon de ceci, salon de cela. Naam. Faut bien, yani. Ou bien se vacciner pour ne pas rentrer dans un salon qu'on ne connaît pas. Surtout qu'il y a des salons, c'est plein de salons de takfiri, etc. Hein? Comme certains, le salon de. Bon, je ne vais même pas citer son nom de cette personne pour ne pas yani, lui donner d'importance. Donc, avant de rentrer dans un salon sur l'intérieur, c'est comme j'ai dit, il faut bien être sûr où je mets les pieds. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ah, tayyib. Maintenant, on vient de me dire en whisper qu'en section Europe, il y a un salon qui est au-dessus de nous. Forsan l'Aïza ou quelque chose comme ça. Ce salon, c'est un salon est yani, vraiment, vraiment, vraiment loin, loin, loin, loin, loin du Minhaj. Loin de la Sunna, vraiment. C'est embarrassant, yani, ça fait de la peine. Il est plein de reconvertis nouveaux qui sont rentrés directement dans le Tekfir et qui, Messakine, yani, sont en train de perdre le temps de parler de califat. On va faire le califat, yani, comme ça, des rêves utopiques. Nam. Donc, je vous demande, Inch'Allah Ta'ala, de faire un saut sur notre salon là-bas, j'apprends l'islam, pour qu'il ne soit pas au-dessus de nous, nam. Pour que yani, il ne trompe pas les gens. Bi-idhnillahi subhanahu wa azzawajal. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vous demande personnellement qu'on soit là-bas, Inch'Allah Ta'ala, yani comme on est ici. Naam. Comme on est ici, on est là-bas, le temps, Inch'Allah Ta'ala, que je réponde à certaines questions, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, on se trouve sur le salon en Europe, bi-idhnillahi ta'ala. Chauffeur Mohamed, je vais dire une chose ensuite, yani. Si tu m'as bien compris, tu m'as bien compris, tu vas me dire à la fin que j'ai compris ou pas. Chauffe. Ici, j'ai parlé d'abord du khousouf avec Kha, ensuite khousouf avec Ka. J'ai dit khousouf, c'était l'éclipse lunaire, et khousouf, éclipse solaire. Donc j'ai dit juste. Ensuite, j'ai marché 5 minutes ou là, un peu plus loin, j'ai dit le contraire. J'ai dit Khoussouf, c'est pour le soleil, et Khoussouf, c'est pour la lune. Donc, yani, je me suis quoi? Je me suis contredit. Donc, il faut enlever la partie où j'ai redit ça. La partie où j'ai dit faux, il faut l'enlever. Il faut laisser, comme j'ai dit maintenant. J'ai dit Khoussouf, c'est pour la lune, et Khoussouf, c'est pour le soleil. Et comme je t'ai dit, d'accord, est-ce que tu as compris, hein? Alhamdoulilah. Tu as compris ça? Alhamdoulilah. Tu enlèves carrément les deux phrases où j'ai dit, où je vais me contredire et dire Khoussouf c'est pour le soleil et Khoussouf pour la lune. Ça y est, t'as dit wahda. Deuxièmement, tandis que je voulais dire une chose, non. Deuxièmement, je dis vite à la personne qui a dit est-ce qu'on peut payer les impôts avec l'argent de la riba? On peut pas. On ne peut pas payer de l'argent avec les impôts avec l'argent de la riba et des intérêts. Pourquoi? Parce que, yani, donc la riba ici, t'es devenu utile. Car payer les impôts, c'est quelque chose, yani, tu vas payer. Donc maintenant, tu as profité des intérêts. Non seulement tu as fait des intérêts, mais encore tu les as utilisés à ton profit. Subhanallah. Donc tu vas faire deux fautes. Tu as fait des intérêts et tu veux maintenant, mashallah, les utiliser à ton profit, payer l'eau, payer l'électricité, payer l'essence. Donc, taqillah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la deuxième question dit, j'ai des intérêts, donc l'argent d'intérêt, qu'est-ce que je dois faire avec? Certains disent qu'il faut les brûler, d'autres disent tu peux les donner à n'importe qui. Je dis, bi'idhnillahi ta'ala. La chose la plus importante et la première, c'est quoi? C'est de faire tawba. C'est de regretter, yani, d'avoir fait cette chose, d'aller directement enlever l'argent de son compte et maintenant, inshallah ta'ala, c'est permis de donner cet argent à qui tu veux. L'essentiel, c'est juste de ne pas lui dire ça vient des intérêts. Tu peux les donner à qui tu veux, bi'idhnillahi ta'ala, des gens, bien sûr, qui sont nécessiteux. Des gens qui sont nécessiteux. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmallah a dit que c'est même permis de les donner à une mosquée. Car vous savez, autrefois, il y a à peu près 10-15 ans, la plupart des grands savants, des éminents savants d'Arabie Saoudite, disaient que c'est interdit de donner l'argent des intérêts à une personne. Mais il faut construire avec, yani, soit même la mosquée disait c'est interdit. Ils disent qu'on construit un hôpital, une association, une école, etc. Ensuite, ils sont tous revenus sur leur fatwa. Ils ont dit c'est permis de la donner à une personne qui est nécessiteuse. Et Cheikh Ibn Uthaymeen est allé plus loin. Il a dit c'est même permis de la donner à la mosquée. Et il a dit, pire encore, il a dit, même un kafir, s'il donne son argent qui vient de l'alcool ou je ne sais pas, de la zina ou là, pour construire une mosquée, il a dit c'est permis. Et si quelqu'un va dire, mais il y a un verset qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte, ou un hadith qui dit que Allah ta'ala n'accepte que le pur, ou la tayyib, le bon. Et l'argent du kafir n'est pas bon. On va lui dire, subhanallah, et qui t'a dit que Allah ta'ala a accepté de lui cet argent? Qui t'a dit ça? Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, nous on profite, cet argent au lieu qu'il aille je ne sais où, nous on profite pour construire une mosquée avec où les gens vont prier et vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, dans un cas seulement, dans un cas, on ne prend pas l'argent du kafir pour construire la mosquée, dans un cas. Quel est le cas? Si le kafir est du genre mennan, mennan, c'est le genre qui fait le rappel. C'est-à-dire, de temps en temps, il vient vous dire, si c'était pas moi, vous n'aurez pas construit votre mosquée. Vous, les musulmans, si c'est pas moi qui vous ai aidé, vous n'aurez pas prié, vous n'aurez pas ceci. Il a dit, si on connaît la personne de ce genre, on ne prend pas de lui son argent. Non, on ne prend pas de lui son argent. Ça y est. Je reviens à une chose très importante aussi. C'est dommage, l'akhariyat n'est pas avec nous. La fois passée, j'avais parlé d'une chose importante. Importante que tout frère et toute sœur devrait même noter. Et j'avais dit que c'était une règle, une règle. Si vous vous souvenez, je parlais de la dot. Quand est-ce qu'elle devient la moitié, quand est-ce que on la donne globalement, etc. Et j'avais dit, si vous vous rappelez, que c'est une règle que ça fait des années que j'avais pas citée. Donc, je l'ai dit comme ça, yani, sans préparer. Donc maintenant, ensuite, après vous avoir quitté, quand je suis allé dormir, j'ai médité et je l'ai mise dans ma tête, yani bien classée. Bien classée, j'ai dit, je vais vous la redire aujourd'hui, bien classée, pour que vous la preniez bien, comme ça, claire. Elle est claire et explicite et circoncise. Non? Et je demande à R. Mohamed, si c'est possible, de dire après à Riyad, de voir le cours de la fois passée où à la fin, c'était à la fin où j'ai parlé de cette règle. J'ai dit, il y a quatre statuts, de l'enlever et de mettre cette nouvelle règle, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, je reviens jeudi. D'abord, je vais même vous écrire et vous expliquer après. Je vous ai dit que, yani, quand une personne divorce, il y a quatre cas. Il y a quatre cas. Ou bien, elle a fixé la dot et elle a consommé le mariage. Ou bien, deuxième cas, elle a fixé la dot et elle n'a pas consommé le mariage et elle a divorcé. Ou bien, elle n'a pas fixé la dot et n'a pas consommé le mariage et elle a divorcé. Ou bien, elle n'a pas consommé la dot et n'a pas aussi consommé le mariage et elle a divorcé. On commence par le premier cas. Un, donc je vais écrire. Mousseline, est-ce que tu peux écrire à ma place? J'ai pas trouvé le signe égal. Tu écris 1, il a fixé la dot et a consommé le mariage. 1, il a fixé la dot et a consommé le mariage. D'ailleurs, il a fixé la dot et a consommé le mariage. Vous vous rappelez la fois passée, je vous ai dit que fixer la dot, ce n'est pas obligatoire. On peut se marier sans fixer la dot. On peut se marier sans fixer la dot. Quand est-ce que le mariage n'est pas valable? Le mariage n'est pas valable s'il n'y a pas la dot. C'est pas si on ne l'a pas fixé. Il y a une grande différence. Il n'y a pas la dot, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va se marier sans dot. Et je sais que je ne vais pas donner la dot et elle sait qu'il n'y a pas de dot. Ça, c'est le mariage des fornicateurs. Non. Mais maintenant, on ne l'a pas fixé, mais il y a la dot. Alhamdoulilah. Et le dernier qu'on peut se marier sans fixer la dot, c'est le verset. Lorsque la Ta'ala a dit, La junaha alaykoum, il n'y a pas de péché, La junaha alaykoum, in talaqtum an-nisa, si vous divorcez les femmes, ma lam tamassuhunna, sans avoir consommé le mariage, ou tafridu lahunna farida, ou bien leur avoir fixé une dot. Donc il a dit, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal. Donc, premier cas, il a fixé la dot et a consommé le mariage. Dans ce cas, égal, écrit, égal, dot entière. On doit donner à la femme sa dot entière. Écrit. 1. Il a fixé la dot et a consommé le mariage. Égal, résultat, c'est-à-dire dot entière. J'attends, Inch'Allah Ta'ala. Muslim, tu me suis? Alhamdoulilah. 1. Il a fixé la dot et a consommé le mariage, on donne la dot entière à la femme. Donc, avant de se marier, il lui a dit la dot, c'est par exemple 500 euros. Ensuite, ils ont consommé le mariage et il a divorcé. C'est toujours dans le cas où il divorce. Il a divorcé, il doit lui donner la dot entière. Pourquoi? Car il a consommé le mariage. Consommé, ça veut dire, en parenthèse, il a touché à ses parties intimes. Consommer le mariage. Donc, il doit donner la dot entière. Deuxième cas, écrit deuxième cas. Il a fixé la date, mais n'a pas consommé le mariage. Afon, j'ai dit la date, la dot. Il a fixé la dot et n'a pas consommé le mariage. Égal, netija. Donc, il lui a dit la dot, c'est 500 euros. D'accord, je te donne 500. Mais il n'a pas consommé le mariage. Ensuite, il a dit je divorce. Résultat, il lui donne la moitié de la dot. Écrit égale un demi dot. Le demi de la dot. Non, Muslim, quand tu écris la première fois, ensuite fais copier-coller pour mettre égal, etc. Il lui donne la moitié de la dot. Donc remarquez avec moi, s'il lui a fixé la dot et n'a pas consommé le mariage, il a dit je divorce, il doit lui donner la moitié de la dot, sauf si elle se désiste, elle lui dit ne me donne rien, ou bien lui il se désiste, il lui donne toute la dot. Ça, c'est entre eux. Mais, j'ouvre ici une parenthèse, il lui donne la moitié de la dot à condition que quoi? Que le divorce vienne de sa part. C'est lui qui a décidé de divorcer. Maintenant, si c'est elle qui dit, je continue pas le mariage, on divorce, il lui donne rien. Il lui donne rien. Ou alors, il a divorcé à cause d'elle. C'est-à-dire, elle lui a caché, par exemple, qu'elle était sourde. Il vient de découvrir qu'elle est sourde, elle n'entend rien. Ou alors, quand elle parle, elle bégaye. Ou bien, elle est aveugle. Dans ce cas, il a divorcé. C'est pas lui qui a divorcé. C'est elle qui l'a poussé à divorcer. Dans ce cas, il ne lui donne pas la moitié de la dot. Vous comprenez? Il donne la moitié. C'est dans le cas où tout va bien, il a décidé d'arrêter. Ça. Troisième cas. Il n'a pas fixé la dot. Écrit. Il n'a pas fixé la dot et il a consommé le mariage. Il n'a pas fixé la dot et a consommé le mariage. Il n'a pas fixé la dot et a consommé le mariage. Résultat, c'est comme j'ai dit la fois passée. On doit lui donner l'équivalent même d'une épouse de ce genre. On va voir par exemple sa sœur qui lui ressemble, même de combien était sa dot. Bien sûr, si celle-là qui vient de divorcer, si elle est dans le din, on voit aussi l'autre, si elle était, il faut qu'elle soit aussi dans le din, pour que yani, la dot soit à peu près équivalente. Ou bien on va voir sa mère, ses tantes, ses cousines. Yani, une qui a yani, un statut proche d'elle, et qui a un cas qui lui ressemble. On va voir c'était combien son mariage. C'était combien sa dot. Et dans ce cas, il lui donne donc l'équivalence. Écrit résultat, il lui donne l'équivalence. Il lui donne l'équivalence de la dot disons d'une proche. Il lui donne l'équivalence de la dot d'une proche qui lui ressemble, elle est dans le même cas, d'une proche qui a le même statut qu'elle. D'une proche, il lui donne donc l'équivalence de la dot d'une proche qui a un statut qui lui ressemble. On doit lui donner l'équivalence de la dot d'une proche qui a le statut qu'elle. Voilà. Qui a le même statut qu'elle. Quatrième cas, il n'a pas fixé la dot. Il n'a pas consommé le mariage. Il n'a pas fixé la dot et il n'a pas consommé le mariage. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ici, peut-être, il n'a pas fixé la dot, n'a pas consommé. Ici, le résultat, peut-être beaucoup de gens ne le connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, premièrement, j'ai pas fixé la dot. Deuxièmement, j'ai pas consommé le mariage. J'ai divorcé, khlas. Elle va chez elle et moi je vais me marier. J'ai rien, il n'y a rien entre nous. Alors que c'est faux, c'est pas vrai. Le verset est clair. Hein, qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit Mata'un bil ma'ruf. Mata'un bil ma'ruf, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il doit lui donner une jouissance en allocation. C'est-à-dire il doit lui donner, lui acheter quelque chose qui l'a réjoui. Quelque chose qui l'a réjoui. Comme une bague, comme un habit, comme un collier, comme un bracelet. Oh, ça dépend de ses moyens. Non, ça dépend de ses moyens à lui. Non, il doit lui acheter quelque chose yani, qui la réjouit pour que yani, ça compense, comme j'ai dit une fois, et ça pense yani, sa blessure. Sa blessure, car yani, il ne s'est pas marié, il l'a laissé comme ça, les gens vont parler d'elle, il a divorcé. Et aussi pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fixé la dot. Donc dans ce cas tu écris une voilà, on lui doit lui acheter quelque chose qui lui plaît, qui la réjouit. Non, ce n'est pas obligé ici de lui demander qu'est-ce que je t'achète. S'il veut, il dit et je voudrais te faire un cadeau, qu'est-ce que tu veux? S'il veut, sinon ce n'est pas une condition. Il va dans un magasin, il achète des choses, yani, ne serait-ce que s'il n'a rien, ne serait-ce qu'une boîte de gâteaux, des chocolats, je ne sais pas quoi, il lui achète une chose. بإذن الله سبحانه وتعالى نعم le, je vais vous citer le verset qui dit que si jamais yani, il n'a pas fixé et qu'il a divorcé qu'il lui achète quelque chose une seconde je vais chercher où se trouve le verset بإذن الله تعالى une seconde je vais chercher où se trouve le verset بإذن الله سبحانه وتعالى une seconde donc le verset je le lis Al-Baqara, pour ceux qui veulent chercher son explication en français, Al-Baqara 236. La gunaha alaykoum. Vous n'avez pas de péché, pas de mal. In talaqtum nisa. Si vous divorcez les femmes, ma lam tamassuhunna. sans avoir consommé le mariage. Ou tafridou lahu nafarida, ni sans avoir fixé la dot. Ou metti'ouhunna. Metti'ouhunna, faites-leur une réjouissance. Une réjouissance à l'moussi'i qadrou. D'après les moyens que vous savez, si vous avez beaucoup de moyens, ou à l'moukhtiri qadrou. Ou bien, yani, une petite chose, si vous avez peu de moyens, mata'an bin ma'ruf. Réjouissance, yani, bin ma'ruf, yani, dans vos limites, haqqan. Obligatoire à l'moussinine, pour ceux qui sont bienfaisants. Haqqan, obligatoire pour ceux qui sont bienfaisants. Dans un autre verset, il a dit haqqan, obligatoire à l'moutaqin, pour ceux qui sont pieux. Non, ce n'est pas comme celui qui divorce, il dit là c'est terminé, je m'en fous. C'est pour ça que Cheikh Islam rahimahullah a dit que il a dit dans tout divorce sans exception, s'il divorce, il doit lui acheter quelque chose bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Inshallah ta'ala, on va se rencontrer. Attendez, aujourd'hui c'est quoi? C'est samedi. Donc inshallah ta'ala, on va se rencontrer mercredi bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Avant cela, je vous donne le micro pour que vous me dites s'il y a quelque chose, ou là que j'ai oublié quelque chose, ou bien il y a une remarque, ou je ne sais pas quoi. Tafadhal bi'idhnillahi ta'ala. Non, juste une dernière petite chose, cher. Vous étiez en train de parler de la réapparition de certaines rooms sur Paltalk, et à ce moment, en fait, vous avez coupé, vous avez interrompu le rappel en demandant aux frères et sœurs qui se rendent en Europe. Et je voudrais juste que vous fassiez une nasiha, sachant, cher, que j'ai vu moi personnellement certaines personnes se rendre dans ces rooms. Ou alors on m'a rapporté que certaines personnes étaient présentes également. Et certaines personnes sont également présentes dans votre room. Inch'Allah, si vous pouviez faire une nasiha, de ne pas aller dans ces rooms qui pourraient justement leur mettre des ambiguïtés, même si cela est basé sur une bonne intention. Inch'Allah. Tfadashir. Cher. Afou le musulman, mais j'ai pas bien saisi, yani, ce que tu voulais dire. Fadva. Naam, cher, vous parliez des rooms qui sont revenus sur le Paltalk, des Takfiriyen. Et certaines rooms, donc il y a certaines rooms où des frères et sœurs du Minhaj, alhamdoulillah, qui se rendent dans ces rooms. Certains, c'est parti d'une bonne intention, car ils veulent essayer donc de débattre entre guillemets avec les administrateurs ou les autres qui sont dans cette doctrine. Et d'autres qui viennent par curiosité, ils viennent, ils ne parlent pas, mais ils écoutent. Ils écoutent, et c'est comme ça en fait qu'ils vont prendre des ambiguïtés. Ils vont pas savoir, ils vont plus savoir après ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je voudrais juste que vous fassiez une petite nasiha, sachant que certains de ces personnes-là sont présents actuellement sur la room, sur votre room. Tfadal cher. D'accord, barakallahu fik, j'ai compris. Donc, certains, yani, gens, certains frères, certaines sœurs, qui sont peut-être dans mon salon, il leur arrive, yani, de temps en temps, d'aller, yani, s'asseoir ou bien jeter un coup d'œil dans d'autres salons, des salons. Vous avez perdu le micro, cher. Ah, j'avais dit que certaines personnes y allaient, des fois avec une bonne intention, dans un salon de la bid'a, salon de takfir, de khawarij, de shi'a, de mu'tazila, de maturidiya, de mille et une choses. Al-Muhim, je dis, sachez bi'idhnillahi ta'ala que rentrer dans un salon pareil, est grave, grave, pour deux raisons. La première, tu es allé dans un salon, n'am, qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Parce que pourquoi? C'est un salon qui est dans la déviance. C'est un salon qui, n'am, n'est pas sur le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni sur le sentier qui mène vers Allah azza wa jalla et vers son paradis. Donc en rentrant là-bas dans le salon, il va t'arriver deux choses. La première, tu ne vas pas sortir de ce salon, hein, sans t'être fait blesser. Blessé ou bien égratigné ou bien sans yani, avoir rempli ton cœur de quoi? De choubouette et d'ambiguïté. Ensuite, tu vas avoir des doutes. Tu dis donc, peut-être que ce sont ceux-là qui ont raison. C'est comme certaines personnes qui, de nos jours, par exemple, te disent, donne-moi la preuve que, par exemple, c'est nous qui avons raison et ce n'est pas les chiites. Aïe, donne-moi la preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, a'oudou billah, que celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala a enveloppé son cœur, et que là, c'est trop tard. Il ne sait même pas. Il a des doutes au point, il demande, il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est lui. Il y en a que, un sunna, ce sont eux, il y en a qui sont sur le vrai chemin. Il a des doutes, il te dit, d'aller, donne-moi d'aller. Quelle est la preuve? Peut-être ce sont les chiites. A'oudou billah, subhanallah al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un messager qui n'a pas mis en garde sa umma et sa communauté contre l'antéchrist, le Messie Dajjal. Et moi aussi, je vous mets en garde contre lui. Il leur a donné toutes ses caractéristiques. Voilà ce qu'il va faire. Il va faire tomber la pluie, il va ressusciter quelqu'un après l'avoir tué, ceci, cela. Ensuite, il a dit, attention, si jamais le Messie Dajjal sorte, il a dit, attention que vous alliez vers lui. Car certains d'entre vous iront vers lui, disons avec une bonne intention, c'est juste pour voir, c'est qui ce Messie Dajjal, qu'est-ce qu'il fait, etc. Il a dit, ils vont revenir, yani, plein, yani, ils vont, c'est-à-dire ils vont être allés de l'autre côté, ils vont le suivre, il a dit, et ils vont le suivre à cause des grandes choubouettes qu'il a avec lui. Donc, celui qui va aller, il sait que le Messie Dajjal se trouve par exemple, le Messie Dajjal se trouve par exemple, disons en Iran. Il a dit, je vais juste jeter un coup d'œil sur le Messie Dajjal, yani, comment il est fait, yani, etc. C'est une bonne niya. Non. Mais quand il arrive là-bas, il commence à voir des choses. Ah bon, je ne savais pas, subhanallah. Il a dit à la montagne, devient or, elle est devenue or. Non, bah, c'est quoi ça? Il vient dégorger une personne. Il lui a dit, lève-toi, s'est levé. Allah, bah, ça c'est trop fort. Non, c'est pas possible. Oh, c'est peut-être Allah Ta'ala qui est descendu donc sur terre, qui fait comme ça, etc. Ensuite, il va le suivre, ou l'iyadu billah. Mais, celui qui a obéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'est pas parti le voir, il est resté chez lui à la maison, il a fermé la porte et les fenêtres, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, la fitna quand elle vient, quiconque, et elle y fait sortir son cou comme ça, pour la voir, elle va la tirer vers lui. Donc, celui qui a obéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas parti. Il est, alhamdoulilah, dans la vraie aqida. Il n'est pas tombé dans la fitna. Comme ça, beaucoup de frères et de sœurs, surtout les nouveaux, les nouvelles, elles rentrent dans les salons et elles disent, je jette un coup d'œil, qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Moi, je vous dis, dans le patou, il n'y a rien. Il n'y a que le mauvais, il n'y a que la bida, il n'y a que les shahawet, il n'y a que les ambiguïtés, il n'y a que les tentations, il n'y a que le dragage, il n'y a que ça. Les salons qui sont sur la vérité, le vrai minhaj se compte sur les bouts de doigts. Deux ou trois dans tout le parcours. Donc, pour connaître, na'am, quels sont ces salons, et pour éviter tous les autres, et ensuite, supposons que vous rentriez dans le salon, et que vous dites, non, moi je suis, masha'Allah, je connais les dalils, j'ai pas peur d'être kfiriyin, je sais comment réfuter leurs preuves, etc., etc. Dans ce cas, tu risques aussi d'avoir un péché. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais qu'est-ce que tu as fait? En rentrant dans leur salon, tu as fait augmenter leur nombre. Naam! Ils étaient 12. Tu es rentré, ils sont devenus 13. Un autre t'a suivi, il dit, oh, X est là-bas, ici, il est là-bas, donc moi aussi je rentre. Ils sont devenus 14, 20, 30. Ensuite, eux, ils vont dire, eh, hey, mashallah, on est devenu 30. Donc, ce qu'on dit, ça a plu aux gens. Donc, on est sur la vérité. Donc, mashallah, les gens, ça leur plie chez nous. Et tu vas leur faire rentrer dans leur cœur, quoi? Le rourour, yani qu'ils sont dans la vérité. Et en même temps, toi, en rentrant dans le salon, tu vas faire tremper ceux qui te connaissent. Ceux qui te connaissent vont dire, oh, Allah, il est connu, cette sœur, elle est connue, c'est une vraie salafia, je la connais. Elle est dans le salon de cette crête. Non, donc, subhanallah, donc celui-là, il a raison ce qu'il dit là. Vous voyez, donc, vous agrandissez le nombre des Mubtadi'a. Vous agrandissez le nombre des Mubtadi'a en faisant une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas avoir des péchés. Non. Le Mubtadi'a, pourquoi dans la Sharia, il faut l'exiler, il faut l'isoler. Quand il te dit salam, il te dit salam. Répondre au salam, c'est une obligation, là, c'est pas une obligation. Quand un musulman te dit salam, tu es obligé que tu dises alaykoum salam. Si tu dis pas, tu as des péchés. Et pourtant, les savants sont unanimes pour dire que on ne répond pas au salam à Moubtadia. Tu dis salam, tu fais c'est comme si tu l'avais pas écouté. Et tu continues ton chemin. Imagine maintenant, tu vas dans son salon, Allahu Akbar. Tu vas, comme faisait Ousmane, comme faisait Dhal el-Muḍill, l'égaré Salah 19, que ça fait longtemps que j'ai pas vu, il paraît qu'il est revenu. Allah al-Afiya, c'est comme Messie Dajjal, il va, il revient. Al-Muhim, hada Salah 19, qu'est-ce qu'il faisait, le chef des takfiri, des Khawarij de France, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans les salons des Habesh. Les Habesh, les ennemis de la Sunna, les ennemis du prophète, les ennemis de Dieu, Azzawajal, qui disent pas, il rit pas, il ceci, cela. Et tout ce que tous les sahabas, tous les gens qui disent que Allah Ta'ala a des attributs, ils deviennent kafir pour eux. Al-Muhim. Je disais que Hadha Salah 19, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans les salons des Habesh. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Je suis rentré avec un autre pseudo et je l'ai vu là-bas. Et qu'est-ce qu'il faisait, subhanallah? Il a invité tous ses amis et ils vont là-bas, chez les salons des Habesh, et ils écoutent leurs cours, qui disent quoi? Qui disent qu'Allah ne descend pas, ceci, cela. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Les Habesh eux-mêmes sont venus dans son salon. Il leur a donné le micro pour faire des cours. Subhanallah l'adim, peut-être qu'il l'a fait seulement deux ou trois fois, mais Allah est témoin que j'étais présent et que j'ai assisté, yani, pour être sûr que je ne suis pas en train de rêver. Non? Non, et après, ça ne m'a pas étonné. Moi, qu'est-ce que j'attends d'un takfiri, d'un khariji, yani, qu'est-ce que j'attends de lui? Il a l'aveu et le désaveu, il ne connaît pas ça. Pour lui, l'essentiel, c'est qu'on soit nombreux contre la sunna, c'est tout. Si on est 50, 60, 80, 100, qu'on soit tous yani, des kharijites, qu'on soit des mu'tazilites, des jahmites, des déobandis, ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est d'être nombreux. Contre qui? Contre les gens de la sunna ou l'ayyadu billah. L'ayyadu billah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve et qu'il vous préserve. Et attention, attention, attention, beaucoup de gens, plusieurs fois, qui étaient, masha'Allah, sont rentrés dans les salons en ambiguïté et ont eu des ambiguïtés et ils sont venus vers moi comme ça, ils m'écrivent en PV, ils disaient Cher, wallah, je vous dis la vérité, mais j'ai maintenant des ambiguïtés, je ne sais pas pourquoi le verset a dit comme ça, pourquoi tel hadith a dit comme ça, et maintenant qu'il a des ambiguïtés, c'est quasi impossible de les lui enlever. Classe. Comment tu peux lui enlever une ambiguïté? C'est très difficile. Non, c'est très difficile. Comme je connais quelqu'un, quand je pense à celui-là, vraiment, ça fait de la peine. Pour ceux qui sont anciens avec moi dans le salon, ils le connaissent. Quelqu'un, si vous vous souvenez, qui s'appelait Ismaïl de Belgique. Non. Un chrétien qui est rentré en islam. Un non-voyant, quelqu'un qui ne voyait pas. Mais quand tu écris, il a Nathan, voilà. Il s'appelait Nathan, Nathan 26, quelque chose comme ça. Son pseudo. Son vrai prénom, et après s'être converti, Ismaïl. Il a un micro, quand tu lui écris, lui il est aveugle, il ne voit pas, et il m'a expliqué quelque chose comme ça, il m'a dit, quand tu m'écris, yani, je comprends ce que tu es en train de dire, je lis, je ne sais pas comment il lit en touchant comme ça avec ses doigts, il lit et il écrit, subhanallah l'adim, il est un aveugle, un mouhim. Masha'Allah, sunna, Allah a dit, le prophète a dit, toujours dans les cours, toujours, ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il commence à aller dans les salons de takfir. Ensuite, moi, je lui dis taqidla, les frères lui disent taqidla, et les admins lui disent taqidla. Il dit non, wallah, c'est juste pour yani, réfuter leur. Et il demande le micro, voilà, ordinateur, synthèse vocale, ça. Il demande le micro, et qu'est-ce qu'il fait? Regardez, yani, la sincérité et la bonne niya. Il prend le micro et il refute. Il leur dit non, vous êtes des takfiris, c'est pas comme ça qu'il faut. Vous êtes des khawarij, Allah Ta'ala n'a pas dit comme ça. Il donne même les délits que je donne moi. Non, il y a un hadith qui dit comme ça. Il y a un verset qui dit comme ça. Et nous, on lui dit, Taqillah et Allah. Et Taqillah ne rentre pas dans le sang. Viens apprendre et laisse-les. Laisse Allah Ta'ala ne t'a pas dit d'aller réfuter. C'est les savants qui font ça. Toi, apprends seulement ton dîme. Apprends yani, la vérité. C'est tout. Les savants qui réfutent, c'est pas toi. Al-Muhim. Qaddar Allahu ma shafa'al. Qaddar Allahu ma shafa'al. Qaddar Allahu ma shafa'al. Trois fois. Un jour, quelqu'un m'a dit. Il m'a dit, Smaïd de Belgique, il m'a dit, il a apostasié. Il a apostasié, et il a quitté le dîn, il est revenu vers le christianisme. Moi, bien sûr, j'ai dit non, ça, c'est pas possible. Il m'a dit, voilà, quelqu'un, etc. Ensuite, je suis rentré, comme on dit sur Patreon, je suis rentré en sous-marin avec un autre pseudo. Et je l'ai trouvé dans un salon où c'était écrit Jésus, etc., et l'évangile. Et il commençait à parler d'évangile et de ceci, cela. Jamais, si quelqu'un m'avait dit, celui-là, par exemple, il peut apostasier, devenir quelqu'un, je dis jamais, c'est pas possible. Quelqu'un qui a goûté la lumière de l'islam, mais qui, du matin au soir, non seulement il a appris, mais il refute les takfiriyin, c'est-à-dire à leur dire, il va apostasier. Non, il va apostasier, subhanallah al-azim. Toute personne qui désobéit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit attention, éloignez-vous des gens de la bida, ne les fréquentez pas, ne leur parlez pas, c'est pas la peine de refiter, ne vous assoyez pas avec eux, ne, ne, ne. Et toi, tu dis non. Moi, c'est comme si tu voulais dire, je connais mieux que le prophète, alayhi wa sallam. Non, peut-être qu'il s'est trompé. Moi, je me connais, etc. Tout cela, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Comme ça dit le verset dans son nom. فَلْيَحْذَرِ qu'il prenne garde. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Ceux qui transgressent les ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, intoussibahum fitna, qu'il leur arrive une fitna. Subhanallah. Toute personne qui n'obéit pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fitna lui arrivera. Subhanallah. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Et Allah a dit, wa in tuti'uhu. Mais si vous le suivez, vous serez guidé, tahtadou, vous serez bien guidé. Mais si tu lui désobéis, il va t'arriver une fitna, tu vas pleurer jour et nuit, et tirer tes cheveux, etc. Mais peut-être que c'est trop tard. Comme celui-là, Smaïnada, maintenant, qui va lui parler une deuxième fois et va le convaincre maintenant de l'islam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala apaiser nos cœurs et raffermir nos cœurs. Car comme disait Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, où il dit, tant que tu es vivant, tu n'es pas encore entré dans ta tombe, il faut toujours avoir peur. Toujours. Non. Qui prouve que, maintenant il est presque 23 heures, on va dormir. Qui prouve que demain, quand tu vas te réveiller, tu vas être toujours sur le minhaj et sur l'islam. Peut-être demain, ou l'iyad oubla, tu vas te réveiller, tu vas dire, ah, moi, j'arrête cette salat. Là, je ne vais plus faire cette salat, je jette ce djilbab. Aujourd'hui, j'ai décidé, je vais commencer à fréquenter des anciennes copines et à aller danser, à aller jouer. Non. Qui dit que tu ne vas pas dire ça demain? Qui dit que moi demain, je ne vais pas arrêter la prière? Qui dit que moi demain, je ne vais pas boire l'alcool? Personne n'a une tazkiyat d'Allah Ta'ala. Que Allah Ta'ala t'a dit non. Toi, tu vas rester sur le droit chemin jusqu'à mourir. Tu n'as pas cette tazkiyat. Donc, il faut toujours avoir peur tant que tu n'es pas encore mort. Quand tu seras mort, on te mettra dans le cercueil, on va t'enterrer. Et on savait qu'il y a une demi-heure ou là, hier seulement, tu étais avec nous, avec ton kamis, avec ta salat, dans la mosquée, avec les études, avec talib al-ilm, avec ceci. Là, on va dire, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, ce frère est mort, sur, masha'Allah, sur, le vrai chemin, cette sœur est morte, masha'Allah, avec son djilbab, avec ceci. Donc, moi, je me mets en garde. Je mets en garde contre qui? Contre moi-même. Contre mon nefs, contre mon shaitan. J'ai une nefs qui veut les tentations. J'ai un grand shaitan qui est avec moi, qui n'aime que la dunya, etc. Donc, moi, déjà, j'ai peur. Je mets en garde contre moi et je demande à Allah Ta'ala de m'aider contre mon shaitan et mon nefs. Et qu'il vous aide, vous, contre le shaitan que vous avez et le nefs et les tentations que vous avez. Mais, alhamdoulilah, quiconque est sincère et demande Allah Ta'ala de le préserver, Allah Ta'ala le préservera. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique, même, attendez, je cherche le hadith comme ça très vite, il a dit, man yataharra al-khayr yu'ta. Comme ça a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, man yataharra al-khayr, quiconque veut le bien, il fait des efforts pour avoir le bien, il a dit, yu'ta. Allah Ta'ala le lui donne. Et quiconque essaye d'éviter le mal, Allah Ta'ala lui fait éviter le mal. Donc c'est une question de ce qui se passe dans le cœur, sur une question de sincérité, et de faire beaucoup de doigts. J'arrête ici. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, mercredi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.